Bonjour tout le monde, c'était le son de Rihanna à l'instant sur Fun Radio avec Mendown, 6h26, j'espère que vous allez bien. Ça gueule dans mon casque, vous vous en rendez pas compte, mais vous imaginez avoir quelqu'un qui hurle comme moi là avec le casque à fond de balle sur les oreilles, c'est très dur. Julie, va bien? Oui. Et bah, tant mieux. Bon, bah, après, Ta petite histoire m'a bien fait rire. Oui, oui. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi sur le groupe Facebook, j'ai tenu les auditeurs informés de mon périple hier soir. Donc je devais aller voir le concert de Lenny Kravitz. Et je rappelle qu'il a bien fait le malin. Ouais, j'ai bien fait le malin. Donc ouais. Hier matin, on était bien dégoûtés de ne pas y aller parce qu'il avait rajouté au moins 3 couches. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin? J'avais eu des places VIP gratos, franchement bien quoi. Ouais, t'as bien rajouté. Et puis finalement, pas de concert puisque je. Mais par contre, très belle ville tournée, hein. Très sympa. Pourquoi? Parce que qui fait le malin tombe dans le ravin. Non, mais j'ai failli tomber dans le ravin. Non, mais j'y peux rien. Le malin part avec une voiture pourrie, c'est ça les voitures. Une voiture pourrie. Non, j'y peux rien. J'étais en train de rouler, le pneu explose et j'y pouvais rien moi. Dieu t'a puni, c'est tout. Bah ouais, peut-être. C'est bien ce que je dis, voiture pourrie. Ouais. C'est ça. Sur quel modèle de voiture aujourd'hui le pneu explose comme ça sur l'autoroute tout seul? Bah je sais pas, il devait y avoir une hernie dessus. Il était malade le pneu, je sais pas moi. Enfin bon. Donc voilà, imaginez-vous 2 minutes et c'est ça le plus grave que l'émission. J'ai failli ne plus être là. Ah non, Julie, mais ça aurait été justement. Julie aurait démarré ses informations en bonjour tout le monde, et bien voilà, Mickaël est décédé hier soir. Non, peut-être pas à ce moment-là, mais. Ah bah il fallait. Je voulais quand même être à la une, hein. Ah oui, non, oui, bah. Ah bon, quand même. Je sais pas, peut-être que je t'aurais fait après les sports, c'est tout en bas. Ouais, c'est ça, ouais. J'espère que t'auras au moins prévenu tous ceux des autres radios, Contact, Énergie, BRTL, tout le bordel. Je voulais être à la une. À la une du bordel. Et pas c'est juste ça, un accident de la route, un chauffard s'est empalé dans un camion. Il roulait à 150 et là. Voilà. Ouais, c'est ça. Ce qui devait arriver, arrive. C'est ça. Bon, bah voilà, donc du coup, forcément, faites gaffe hein, quand vous êtes là avec les voitures et tout. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais un peu ça peut péter comme ça. Et puis, on s'en rend pas compte, ouais. Bon, il y aura les méfaux tout à l'heure avec Sexy and I Know It. Il y aura aussi pas mal de cadeaux, évidemment, ce matin avec les factures qu'on nous allons vous rembourser, comme chaque matin sur les SMS au 6322 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, tiens, 32,40€ pour une prise de sang, 350€ pour un banc solaire, qui dit d'acheter un banc solaire. 150€ pour la compte du voyage de l'école, surtout que le banc solaire c'est 350€ d'investissement, et puis après il va falloir payer toute la chimio et tout quoi. Non mais c'est vrai. Oui. Si tu surutilises, 48€. J'ai appris ce matin que contre le cancer de la peau, boire 3 tasses de café par jour, ça pouvait lutter un petit peu. C'est pour ça que moi j'aurais aucun problème avec le cancer de la peau. Ouais, bah à ce niveau-là, ouais. Bon, 48,88€ pour Carrefour. Pour tout le reste. Et puis ce matin, on aura encore évidemment les écrans plats à vous filer, bien évidemment. D'ailleurs, pour ce faire, c'est facile. Écran plat ou pack Nintendo Wii. Si vous avez la réponse, la devinette qui colle, toi, va certainement trouver ça rapidement. Dunel, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son cou nous remet sur pied. Qui est-il? Une idée? Non. Toff utilise souvent dans des clubs SM. Voilà, je vous en dis pas plus, hein. Vous allez certainement trouver, je répète. Dunel, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son cou nous remet sur pied. Qui est-il? Voilà. On l'utilise évidemment en cuisine. En tout cas, il a le même nom que dans un club SM. Mais évidemment, ça n'a pas la même forme dans un club sadomaso, bien entendu. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous débutez votre message avec la réponse. Et débutez le message avec la réponse, tout simplement. Et avec votre numéro de téléphone. Et on vous rappellera d'ici quelques instants. On aura aussi la ligne anti-relou dans pas longtemps. Et puis, on parlera aussi de l'amour est dans le pré. Évidemment. Ah, cool. C'était hier soir. Un message qui dit moi aussi, mon pneu a explosé sur autoroute. Ah, ça va, je me sens moi seul comme ça, tiens. Ouais, bon, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il avait une vieille R5. Ouais, peut-être, mais enfin bon. Bon, allez, FAO, ça va arriver, je l'ai promis. Sexy and I Know It sur Fun Radio. Sexy and I Know It. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici. Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Et à 6h30 sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Tout d'abord, info pratique. Les bus roulent ce matin à Bruxelles. Ah, pas bonne nouvelle. De perturbations à prévoir dans les transports en commun. En fait, il faudrait maintenant commencer l'info en disant quel bus roule. Mais parce que cette nuit, ils étaient toujours en grève. Hein. Ah d'accord. Okay, ah bah oui, toi que tu es avec ton pneu, tu Moi, j'étais en train de gérer le pneu, là. Je pouvais pas être partout. Voilà. Et négociations politiques. Les exigences budgétaires du MR créent des vives tensions. Le MR insistant sur la nécessité d'accroître l'effort des entités fédérées. Depuis vendredi, les Bleus veulent que les régions mettent la main en portefeuille pour réduire la dette de l'État belge. Elio Di Rupo n'est pas vraiment pour, mais a entendu les revendications du MR. Le formateur a saisi le Conseil supérieur des finances pour actualiser le rapport budgétaire qui balise la répartition de l'effort des entités du pays. En tout cas, le PS et le CDNV sont contre. Seul l'Open VLD suit le MR. Plus de 8 Belges sur 10 n'ont pas recours à la domiciliation bancaire. Motif, ils préfèrent contrôler ce qui est payé, notamment mieux gérer le budget. Selon une enquête Ivox menée en mai 2011 auprès d'un échantillon de 2000 Belges. À l'inverse, un cinquième des Belges interrogés domicilient toutes leurs factures. Il ressort également de l'enquête que plus la tranche d'âge des personnes interrogées augmente, plus elles ont tendance à utiliser la domiciliation. Et puis la banque Dexia se cherche un nouveau nom. L'entreprise financière qui a été nationalisée la semaine passée a commandé des études de marché pour savoir comment réagiraient ses clients à un changement de marque. À l'étranger, en Libye... Oui, Atof. Pardon, je disais Fajitas, ça serait bien. Ah, oui, pas mal. Ah oui, je suis sûr que le niveau confiance et tout pourrait ne fût-ce que grimper, ce serait incroyable. Business plan. Tu devrais envoyer ta proposition. En Libye, le corps de Muammar Kadhafi va être enterré aujourd'hui dans le désert. L'endroit exact ne sera pas dévoilé car les Libyens craignent que la tombe de Kadhafi devienne un lieu de pèlerinage malsain. Et puis l'Égypte et l'Israël ont convenu de relâcher un Israélo-américain détenu au Caire pour espionnage en échange de 25 Égyptiens emprisonnés, dont 3 enfants en Israël. Sport tennis, Sabine Appelmans quitte son poste de capitaine de l'équipe belge de Fed Cup de tennis pour des raisons privées. Elle occupait cette fonction depuis 2007 et elle sera remplacée par Anne De Vries, notre ancienne championne de tennis belge. Il est 6h32 sur Fun Radio. Dans un instant, elle est MFAO et nous allons maintenant passer la météo. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, il va pleuvoir. Bonne nouvelle, il va quand même faire encore assez doux. Température entre 8 et 15 degrés. Demain, retour d'un temps sec. D'accord, c'est déjà ça de prix au final. Bon, 6h32, passons maintenant à l'info en plus. Alors l'info en plus qui parle des indemnisations les plus folles réclamées à un patron. Par exemple, si tu as un accident de travail, eh bien, ça se fait peut-être un petit peu moins chez nous, mais dans d'autres pays, on peut plus facilement demander à être indemnisé. Mais c'est pour ça qu'il faut aller travailler ailleurs, en fait. Juste une année, risquer l'accident et après porter plainte. Alors écoute, il y en a vraiment qui portent plainte pour des trucs assez drôles. Alors, y en a... ça marche pas mal, hein, ce genre de conneries. Oui, ben là, c'est surtout, moi j'ai surtout un article qui parle de la Grande-Bretagne. Ouais. Donc, un employé a réclamé 6000 euros de dédommagement à ses patrons après être tombé du lit en répondant à un coup de téléphone de son travail. Mais il a peut-être fait. Attends, c'est normal. Pas mal. Bon, alors il y en a un autre qui a porté plainte pour détresse émotionnelle après avoir été coincé dans l'ascenseur sur son lieu de travail. Ouais. Il a quand même touché 1700 euros. Alors il suffit de prendre l'ascenseur ici, je suis sûr qu'il y a moyen de le bloquer. Donc 1700 euros. Ah oui, euros. Ici, oui, ah bah oui, oui. Alors un nettoyeur de rue a quand même demandé 6000 euros après avoir eu de la poussière dans les yeux. Faut quand même le faire. C'est pas mal aussi, ouais. Et alors il y en a un qui a touché le pactole. Il a demandé une indemnisation de 19 000 euros après s'être fait mordre par un chien en allant glisser une carte de visite dans la boîte aux lettres d'un client. Mais c'est normal. Donc je trouve ça quand même. Mais c'est normal. Ils osent tout, quoi. Ils ont raison. Mais tant qu'à faire. Plus tu peux en récupérer, autant en récupérer. Mais évidemment. Bah écoutez, allez-y, je vous ai donné quelques idées là. C'est ça. Écoute, moi je vais immédiatement aller voir notre patron. Bon, 6h34 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. C'est mardi aujourd'hui, le 25 octobre, il fait dégueulasse dehors, donc faites gaffe si vous prenez la route. On parlera d'ailleurs des problèmes de circulation tout à l'heure. Et puis je vous répète, la petite énigme qui colle, la devinette qui colle plutôt. Si vous avez la réponse, il y a un écran plat à gagner ou alors des packs Nintendo Wii. Du Nel, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son cou nous remet sur pied. Qui est-il? On l'utilise également, c'est pas le même qu'en cuisine. Mais on l'utilise également dans les clubs sadomaso, par exemple. Hein, c'est grand et noir. Au cirque aussi. Oui, au cirque aussi. Ou quand on veut faire avancer un cheval, ça marche aussi. Et puis. Non, monsieur. Ouais, mais enfin, c'est le même monsieur. Concept. C'est pas le même nom, c'est le même concept. Voilà. Et puis, on peut s'en servir aussi pour faire de la neige. Avec des œufs. Oui, forcément. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui. Bon, comment ça, forcément? Bah, quoi? Des pistes de ski, ils font de la neige, mais pas avec oui, des mais œufs. Pas avec ça. Bah non, mais je te confirme. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1 euro le message. Bonne chance! Et on va s'écouter le son de MFAO maintenant, je vous l'ai promis tout à l'heure. C'est Sexy and I Know It sur Fun Radio. Le son de l'MFAO à l'instant sur Fun Radio, Sexy and I Know It. 6h38, bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Comme je le disais, faites attention si vous sortez, car effectivement il fait dégueulasse, donc on ne sait jamais. On parlera d'ailleurs de l'infotrafic d'ici quelques instants. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire, bien sûr. 30-44 par SMS et 50 centimes le message, ou vous me faites un petit mail, ça se passe sur mikael@funradio.be. la ligne anti-relou, ça va débarquer. Et puis on va parler de Katy Perry qui fête son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui, cela dit au passage. Je m'en souviens parce que c'est comme c'était on a une petite histoire. Ah oui, d'accord. Voilà. Et est-ce que tu es quelqu'un de jaloux, toi? Moi, non, pas forcément. Pas vraiment, Tof, j'imagine, non. C'est une question de confiance. C'est une question d'en avoir sous le coude. Ouais, voilà. Moi, c'est une question de confiance après. Mais... En tout cas, Katy Perry, elle se sent pas super à l'aise apparemment avec son mari. Elle vient de fêter sa première année de mariage. Elle est mariée à l'acteur Russell Brand. Si elle avait pas choisi le mauvais quand elle a eu le choix, quand on était tous les deux sur TF1, pas arrivé. Quoi. J'imagine. Moi, je dis ça, après, c'est pour elle, bien fait pour ça. Réveille-toi, Mickaël. Oui, quoi? Non, mais je suis réveillé. Tu es en train de rêver. Eh bien, non. Donc la chanteuse. Oui, si, ça s'expliquerait en antenne, mais si, c'était qu'un rêve tout ça. Alors. Eh bien, Katy Perry, elle refuse d'être servie par des hôtesses de l'air dans les avions. Elle n'adresse la parole qu'aux stewards. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que son mari, l'acteur donc Russell Brand, eh bien, il a un passé un petit peu sulfureux. Et encore maintenant, on a tendance un petit peu à le croiser avec des filles qui ne sont pas vraiment Katy Perry. Oui, c'est ça. Et... Pourtant, c'est déjà pas mal, Katy Perry. Oui, alors qu'apparemment, ça ne lui suffit pas vraiment. Et il avait eu une histoire avec une de l'air. Et Katy Perry est tellement furieusement jalouse et un petit peu parano, eh bien elle refuse de croiser en fait cette hôtesse de l'air. Elle ne sait pas de qui il s'agit, donc peu importe où est-ce qu'elle prend l'avion, elle refuse de parler aux hôtesses de l'air. Elle ne veut s'adresser qu'aux stewards. Pourquoi pas? Bah écoute, pourquoi pas. C'est un petit peu... C'est un peu tiré par les cheveux, mais... Un peu exagéré, Moi je vais faire pareil, je vais parler que aux hôtesses. T'as bien raison. J'ai très très peur des stewards. Elle est complètement parano alors la petite. Non mais je peux comprendre parce que son mari apparemment n'est pas tout à fait clean. Ah ouais, mais ça c'est quand on... Ah il est rebelle, ah qu'est-ce qu'il est beau, il est rebelle. Bah forcément, ou un autre, quand t'es avec lui, bah il est rebelle toujours. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Ça ne changera pas. Oui, le nombre de filles qui se disent... Qui craquent sur les salauds, tu vois, parce que ça fait classe. Ouais, c'est ça. Tiens, bouffé maintenant, tiens. Bon, 6h40 sur Fun, dans un instant, Andy Grammer. Très très bon ça. Keep your head up, Andy Grammer, c'est dans un instant sur Fun, restez bien là. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier? Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h09 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 7h15 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 et infotrafic, c'est pas vraiment l'infotrafic mais c'était une info pratique plutôt hier. Info du jour hier, la pompe Texaco de Campenau donnait de la benz gratos, mais les flics sont vite arrivés, la classe. Allez. Hey. Prévenez-nous plutôt quand il y a des trucs comme ça, moi je débarque. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu tard là. Ah, on vient avec Julie, tout ça, avec sa polo, et on débarque, on fait le plein, y a pas de soucis, ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe sur les routes pour l'instant? Eh bien, accident sur le 19 Bruxelles vers Mons, accident impliquant un poids lourd, deux voies de gauche sont bloquées. Très bien. C'est au kilomètre 25.5. Ok, si vous êtes témoin évidemment d'un problème sur la route, faites péter la Fun Solidarité comme d'habitude, problème d'accident, problème de bouchon tout simplement, ralentissement ou même un radar qui serait planqué sur le bord de la route, n'hésitez pas à nous transmettre toutes vos infos au 3044 par SMS ou alors gratuitement sur mikael@funradio.be. Passons maintenant, bien évidemment comme chaque matin, à la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et c'est chaque matin sur Fun Radio, cette ligne anti-relou, le 0 473 86 00 13. Il y a du lourd, bien évidemment, grâce à vous. Car oui, c'est vrai que bon, depuis qu'on a commencé l'émission, on vous dit que la ligne anti-relou, c'est pour éviter de rencontrer des relous en soirée, dans des bars, etc. Mais au final, après réflexion, on s'est dit que c'était vachement plus pratique d'utiliser cette ligne anti-relou pour tous les relous, pas forcément ceux qui viennent vous draguer, mais ceux qui vous prennent la tête. Par exemple, le banquier qui viendrait vous dire que vous êtes dans le rouge depuis 6 mois et que bon, il y a un moment ou un autre, il va falloir mettre un peu d'argent dessus pour repasser au moins 5 minutes dans le vert. Ça peut être le fisc aussi qui vient impérativement vous prendre tous vos biens. Donnez-lui le numéro de la ligne anti-relou, il terminera ici. Mais oui, comme ça, ils ne viendront pas plus vite chez vous. Exactement, ouais. Donc voilà, bref, tout ça fonctionne avec n'importe qui, cette ligne anti-relou. 0473 86 0013. On écoute maintenant le premier message de ce matin. Oh, ouais. D'accord. Ah, ok, ok, ok, ok. Oh, il est bon. Ah là là là là. Eh ouais, il était pas mal. Je l'aime beaucoup celui-là. Mais celui-là, il est bien. Toi, tiens, toi. Ouais, c'est ça. Tu sais, le mec, à mon avis, il a dû se prendre une grosse veste. Peut-être un frère ou un cousin. Peut-être. Deuxième message. Salut, l'anti relou. Julie, je t'entends tous les jours au matin. Rien qu'entendre ta voix, ça m'excite. J'ai vraiment envie de te voir faire un petit restaurant ensemble. Si ça te dit, non. Recontacte-moi. Bisous. Mais oui, bien sûr que ça lui parle, mais bien je sûr. Je te souhaite une excellente journée, mais oui, malheureusement, mon cœur est pris et je ne peux pas aller me faire un restaurant. Il n'a pas dit qu'il voulait ton cœur. Hein. Ouais, juste pour lui, ça lui. Il est également pris. Ouais. Bon, allez, deux, troisième et dernier message pour Storcy. Bonjour, je m'appelle Plessienne. Voilà, je t'appelle parce que je t'entendais hier pour prendre la petite pâtisserie, le petit mocha, j'avais été acheté ça, parce que je sais que t'as des problèmes avec ta prothèse pour l'instant. Alors, plutôt que de manger des petits biscuits à des temps, j'avais cherché des petits mocha. Voilà. Malheureusement, tu n'es pas venu. Je ne sais pas comment on se confie pour accrocher à cette affaire-là. Je te téléphonerai dans la journée pour voir quand est-ce que tu sais venir prendre le café. Je t'en vas bien fort, ton petit lion chéri. Ton petit lion chéri. Oh là là là là. Oh là là là là. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour arriver sur les lions anti-relous. Ah, pas non, pas non. 0473. Tu nais relou et tu mourras. Ouais, relou, je hein. pense, ouais. 0473 86 0013. Dans un instant, on va se faire chier. On va faire chier le monde. Oui. Et c'est le cas de le dire cette fois-ci. Hein. Oui, oui. On voilà, bien si chier. Vous étiez là hier, vous avez écouté les infos, Julie, et bien nous. On s'en est servi un petit peu là pour faire chez le monde ce matin. Voilà. Bon, 6h48, bon réveil sur Fun Radio. C'est Andy Grammer qu'on écoute maintenant. Keep your head up sur Fun. Andy Grammer sur Fun Radio, keep your head up. Dans un instant, restez là. Il y a Florida qui arrive aussi. Ce sera Good Feeling sur Fun. Et puis, on va appeler qui ce matin, Top, du coup, alors on va appeler des caca. C'est-à-dire bah, comme Julie elle a expliqué hier qu'on pouvait transformer de la merde en or. Non, j'ai pas dit qu'on pouvait, j'ai dit qu'il y avait un Irlandais qui avait tenté de le faire. Ce raccourci, le feu à son vous immeuble. Êtes des jaloux. Ce raccourci, ce je raccourci, vais dire aux gens donc, que je leur achète leurs excréments pour mes expériences. Mais ça marche pas, Tof. Bah oui, c'est ça. Arrêtez de faire les jaloux, qu'est-ce que vous en savez? Bon, mais... bah, c'est quoi? Bah, appelle et puis voilà. Tout seul. Laissez-moi faire ouais, et quand je serai riche, vous me remercierez. Mais oui, c'est j'espère. Ça. J'espère. Allez, on va appeler où alors? À Wolvertem. Wolvertem, allez, ouais. C'est parti. Pas sûr que les gens répondent positivement à ce genre d'appel, mais on verra bien. Allô? Oui, allô, je suis bien chez Kaka? Mais c'est quoi ça, s'il vous plaît? Bah, je suis bien chez Kaka. Eh bah, tu vois, je l'avais dit. Ah bah, hein. Attends, c'est très très bref ça. Ouais, hein. Je t'avais ouais. dit que ça marcherait pas des masses. On va la rappeler. Oui, oui, parce que je pense qu'elle a mal compris. Hein. Allez, c'est reparti. Le petit a été un petit peu fort. Oui. Vas-y, plus doucement. Je vous rappellerai l'énigme après. Aussi. Allô? Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis sur le point de réaliser une expérience exceptionnelle. Je vais pouvoir fabriquer de l'or. Eh monsieur, maintenant... Oui, et donc je vous appelle parce que je souhaiterais récupérer votre caca pour le transformer en or. Allez, au revoir, hein. Mais non, attendez, on ne s'est pas arrangé pour que je puisse récupérer. Non, non, monsieur, au revoir, hein, parce que je ne sais pas te dire rien. Oui, parce que, bon, on pourrait partager, vous voyez, si l'expérience, elle marche, on pourrait faire 50-50, quoi. Et oui, malheureusement, c'est ça un échec total. Fonctionné. Non, c'est à même mal marché. Hein. Je suis pas très étonné en fait. Hein. Ouais, c'est moi bizarre. Si. Tiens. Moi aussi, ouais. Je suis quand même très très étonné. Ah ouais, tiens, c'est bah écoute nous pas, c'est vraiment bizarre, tiens. Bah, ouais, je comprends pas. On pourquoi. A pas vraiment les bon, mêmes visions. Bah, voilà. Des bon, choses. Si vous connaissez des gens qui seraient ouverts à vendre leurs excréments, n'hésitez pas à nous donner le numéro de téléphone pour que Toff les appelle tout à l'heure au 3044. On attend ça avec impatience. Mais seulement s'ils s'appellent caca. Bien sinon, évidemment. Ça m'intéresse pas. Bon, et on va aussi bah vous filer vos écrans plats comme d'habitude, comme chaque matin sur Fun Radio, les écrans plats ou les packs Nintendo. Y a gagné ce matin, si vous avez la réponse à la devinette qui colle, du nail, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son coup nous remet sur pied. Qui est-il? Je l'ai dit tout à l'heure, donc on l'utilise également dans les clubs SM, par exemple. Ça laisse des traces fines et rouges sur le corps. On peut l'utiliser également en cuisine, bien entendu, mais à ce moment-là, on préférera l'électrique. C'est beaucoup moins fatigant. Oui. Bah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Bah, c'est beaucoup moins fatigant, évidemment. Voilà, et donc Toff l'utilise souvent en club SM, donc je vous répète la petite devinette. D'une aile, c'est l'extrémité d'une. Et en cuisine, il est battant. Son coup nous remet sur pied. On avait proposé une canne. Non, pas du tout. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Et vous repartirez peut-être avec un écran plat ou avec tout simplement le pack Nintendo Wii. Bonne chance. Et avant de donner la réponse et avant de passer à l'info, on va écouter le son de Florida maintenant sur Fun Radio. C'est Good Feeling. Bonne matinée, 6h55. Le son de Florida à l'instant sur Fun Radio avec Good Feeling. Bonne matinée, il est 6h59. C'est l'info de Julie qui va arriver dans un instant. Bon, il faut le temps qu'elle s'étende, etc. Bon, ben oui, mais savez. Bon, la nuit a été dure. La nuit a été très dure, évidemment. Mon loulou, il s'est pas occupé de moi, mais il m'a pas massé. Mais non, oui, mon loulou, exactement. Par contre, s'est réveillé beaucoup cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi. Il est pas bien, il est malade. Il est à la gastro, non? Ouais, il est un petit peu hyperkinétique. Ah, d'accord, ok, très bien. C'est mignon, ça. C'est sympa, dis donc. C'est très sympa, ouais. C'est très sympa. Bon, dans un instant, on va vous rembourser vos factures sur Fun Radio comme chaque matin à 7h10, 8h10 et 9h10. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, justement, n'hésitez pas à vous inscrire comme là, 92€ pour les places pour la nuit du kickboxing, d'accord. 39,99€ pour l'antivirus de mon ordinateur. 156€ pour le cadastre. Bref, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, vous également, n'hésitez pas. 63,22€ par SMS, c'est 1€ le message. Et vous repartirez peut-être avec le remboursement intégral de votre facture. 63,22€, code facture, le montant et l'objet de la facture. Et on va s'écouter dans un instant le son de DJ Abdel. DJ Abdel avec Soprano, c'est My Life sur Fun Radio. Mais avant ça, on fait un tour du côté de l'info. Maintenant, c'est avec Julie à 7h pile. Bonjour à tous. Tout d'abord, info pratique. Les bus roulent ce matin à Bruxelles. Pas de perturbations à prévoir pour les transports en commun. Négociations politiques, les exigences budgétaires du MR créent de vives tensions. Le MR insistant sur la nécessité d'accroître l'effort des entités fédérées. Depuis vendredi, les Bleus veulent que les régions mettent la main en portefeuille pour réduire la dette de l'État belge. Elio Di Rupo n'est pas vraiment pour, mais a entendu les revendications du MR. Le formateur a saisi le Conseil supérieur des finances pour actualiser son rapport budgétaire qui balise la répartition de l'effort des entités du pays. En tout cas, le PS et le CDNV sont contre. Seul l'Open VLD suit le MR. La banque Dexia cherche un nouveau nom. L'entreprise financière qui a été nationalisée la semaine passée a commandé des études de marché pour savoir comment réagiraient ses clients à un changement de marque. Le gouvernement de Silvio Berlusconi, marche, sors de là, marche, s'il te plaît. Hein. Ah mais que veux-tu, l'hiver arrive, donc forcément. Enfin, tu disais déjà ça au mois d'août. Hein. Non, mais moi, l'hiver commence au mois d'août. C'est un petit peu le cas ici en Belgique. On peut leur dire la vérité, t'as 17 ans et tu fais ta puberté. Bon, allez, j'avoue. C'est ça. Ouais. J'avoue. Le gouvernement de Silvio Berlusconi a dû ajourner hier soir un conseil des ministres sans parvenir à un accord. Mis au pied du mur dimanche à Bruxelles, en particulier par le couple franco-allemand, le chef d'État italien avait promis d'agir en retardant l'âge de départ à la retraite à 67 ans afin de l'aligner sur d'autres pays européens. Mais il fait face à l'opposition résolue de son allié crucial au gouvernement, la Ligue du Nord. En Tunisie, le parti islamiste Ennahda a annoncé qu'il disposait d'une large avance aux premières élections libres du pays. Les résultats définitifs du vote pour une assemblée constituante devraient être annoncés officiellement dans le courant de la journée. En Libye, le corps de Muammar Kadhafi va être enterré aujourd'hui dans le désert. L'endroit exact ne sera pas dévoilé car les Libyens craignent que la tombe de Kadhafi devienne un lieu de pèlerinage malsain. Enfin, au chapitre sportif, Sabine Appelmans quitte son poste de capitaine de l'équipe belge de Fed Cup pour des raisons privées. Elle occupait cette fonction depuis 2007. Elle sera remplacée par Anne De Vries, une autre ancienne championne belge. Et dans un instant sur Fun Radio, DJ Abdel avec Soprano et C'est Ma Life. Et on passe maintenant, bien évidemment, à la météo. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va pleuvoir. La bonne nouvelle, c'est qu'il va quand même faire assez doux. Demain, retour d'un temps sec. Ah bah voilà, c'est une très bonne nouvelle au final. DJ Abdel arrive, on va vous rembourser vos factures. Je vous explique comment faire dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et pour vous rembourser vos factures, le concept est relativement simple. Il suffit simplement d'envoyer un petit SMS au 6322, c'est 1€ le message, de débuter votre SMS par facture, ensuite un petit espace, le montant et l'objet de la facture. Et on vous appellera peut-être dans quelques instants, dans 5 minutes, là, pour vous rembourser cash votre facture. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On en reparle d'ici 5 minutes. Et quelle est l'info en plus? Alors l'info en plus, c'est une info santé. Ah. Alors on sait bien sûr que la cigarette... C'est forcément, mal. C'est le mal, tabac, ça développe. C'est tabou. Oui. Non, je disais, il y avait un T là, donc c'est pas juste. Hein? Bah, elle a dit que c'était une info santé, la cigarette, il y a des thés. C'est drôle, ah, ça. Okay. Oh là là. Oh là là là là. Oh, t'as été la chercher très loin, celle-là. Elle est bonne, non? Justement, c'est ça le problème. T'as une place sûre sur la radio d'en face. Hein. Je suis pas sûre qu'à 7h du mat. Ouais. Bon, et eh bien, en tout cas, on sait donc que forcément, la cigarette amplifie le risque de développer un cancer du poumon. Et eh bien, on sait maintenant que l'alcool également. Du poumon? Ouais. Oui, pour ceux qui boivent tellement vite que le truc il tombe dans le mauvais trou, à mon avis, non? Eh bien non, il y a 3 études qui ont été présentées à la 77e édition annuelle de l'American College of Physicians. Enfin, un truc de santé, quoi, hein, pour faire rapide. Donc on sait maintenant que cigarette, c'est mauvais pour le cancer du poumon. L'alcool est mauvais également. Alors, j'ai pas que des mauvaises nouvelles. On sait que le thé noir, les fruits et le surpoids atténuent le risque. Ah, donc si tu es gros, par contre, tu as moins de chances d'avoir le cancer du poumon. Mais tu auras probablement d'autres problèmes. Donc, si c'est possible, arrête-toi juste au thé noir et aux fruits. Oui, voilà. Sois maigre et fume pas, quoi. Oui, voilà. Alors, aussi, alors, on pense l'alcool. Alors, quel alcool pourrait développer un cancer du poumon? Eh bien, c'est plus élevé du côté. Le risque est plus élevé si tu bois de la bière plutôt que du vin ou un alcool fort. Ah, ouais, d'accord. Ok. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Je déteste la bière. C'est parce que la bière, il y a les bulles. Donc, du coup, ça te remonte dans. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Et alors, on a aussi avec nous, heureusement. un autre petit conseil santé, on apprend ce matin que 3 tasses de café par jour, eh bien, diminuent le risque de cancer de la peau. D'accord. Donc okay, on boit du thé noir, du café et on mange des fruits et c'est bon, on est bon pour éviter le cancer du poumon, si on évite l'alcool aussi et le cancer de la peau. La bonne nouvelle. Bon bah très bien, retour de l'info, c'est à 7h30 sur Fun Radio, on vous rembourse les factures, ça c'est dans 3 minutes, le temps d'écouter évidemment le son de DJ Abdel et Soprano, c'est ma live sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Soprano, vous écoutez Mickaël à la radio. Justement Mickaël, vu que tu fais le séducteur là au micro, c'est bizarre que tu es entouré que d'hommes dans ton équipe là. C'est ça, un peu bizarre, hein. À la radio. Allô. Le son de DJ Abdel et Soprano à l'instant. Et il y aura aussi le concert de Sopra, évidemment, en concert avec Fun Radio en Belgique, à l'ancienne Belgique. C'est le vendredi 16 décembre. Et si vous voulez plus d'infos, bah allez voir simplement sur funradio.be. Bon, on vous rembourse vos factures, 7h10, c'est parti. Tous les matins. Et oui, c'est chaque matin comme ça sur Fun Radio, on vous rembourse vos factures cash. Pour ce faire, un jeu d'enfant, il suffit simplement de nous envoyer un petit SMS au 6322 en débutant votre message par facture. Comme là par exemple, hein, facture de 57€ pour Télénet, 63,90€ pour la couverture pour sa jument, 61,71€ pour un laboratoire d'analyse, 73,16€ pour une facture Mobistar, 122€ pour Télénet, 100€ pour la redevance télé. Bon, et, c'est occupé, Toff. On appelait pour rembourser combien d'ailleurs? 40€ tout pile? Tout pile. Tout pile, d'accord, ok, très bien. Eh ben, on y va, on va rappeler alors du coup, hein. Repassez un petit coup de téléphone, le concept est simple. Dès que ça décroche, si vous répondez bien à la question que je vous pose, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, si vous répondez Mickaël ou Fun Radio, eh bien. Allô, bonjour. Allô. Oui, oui. Bonjour. Wow, qui paye les factures le matin? C'est Mickaël sur Fun Radio. Eh oui. Par contre, si vous dites Mickaël et Fun Radio dans la même phrase, ça ne compte pas double. Tenez à le préciser. Non, je tenais à le préciser. Bon, eh bien bravo, à 7h11, comment tu t'appelles? Manon, bienvenue. Oh, Manon. Mignon, Manon. Tu as quel âge? Oui, tu as quel âge et tu es dans quelle ville? 16 ans. 16 ans et tu es dans quelle ville? C'est beaucoup moins mignon. Ah oui, ça c'est beaucoup trop mignon. Tu es de où? À Spa, d'accord, ok, très bien. Bon, eh bien Manon, on va te rembourser. On va te rembourser tes 40€. C'est combien? C'est pour payer quoi les 40€? C'est pour payer une facture d'école. On doit louer un rotring pour faire du dessin d'architecture. Un rotring, et, d'accord. Ça va servir à payer ça. D'accord, ok, très bien. Eh bien écoute, 40€, on va te rembourser pour pouvoir acheter ton rotring. Écoute, allez, je t'en prie Manon, tu restes au standard, on va t'expliquer comment ça marche dans un instant, d'accord? Ok, merci. Salut. Bonne journée. Salut Manon. Bon ben voilà, si vous voulez faire pareil comme Manon, qu'on vous rembourse votre facture, c'est dans moins d'une heure que ça va se passer. 63,22, vous débutez votre message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Voilà, et je vous rappelle également la devinette qui colle là pour repartir avec un écran plat, puisqu'on va appeler quelqu'un d'ici 5 minutes là pour lui offrir cet écran plat ou le pack Nintendo. Oui, attention, je répète l'énigme du nail. C'est l'extrémité en cuisine. Il est battant, son coup nous remet sur pied. Donc cuisine, on préférera l'électrique, évidemment c'est plus facile pour cuisiner, et puis sinon il y en a qui vont préférer le manuel, mais là c'est plus pour la cuisine, c'est pour les clubs sadomaso. Si, on peut utiliser le manuel aussi oui. pour la cuisine. Oui, non, mais d'accord, mais on préfère pas le, tout l'électrique. Tout de suite penser comme ça. Mais ça n'a rien à voir, c'est toi là avec ton. Généralement, les hommes sont plus favorisés pour le manuel. Oui, voilà, c'est vrai. Donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous débutez votre message avec la réponse. Et alors ouais. 63-22, débutez votre message avec la réponse et on vous appelle peut-être dans 5 minutes pour vous offrir votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii. Julie ? Oui. Donc, il serait judicieux de rendre l'écharpe à ma grand-mère. Hein. Non, mais parce que c'est dramatique. Hein. L'écharpe est très moche, je te signale. Oui, mais celle-là est on très moche. Battait, hein. On se battait chez HM pour l'avoir. C'est ça. Ouais. Non, non, à la radio. Ouais, c'est ça. Ouais. On mettra la photo sur Facebook. Hein. Non, en fait, je dors pas, il est relou. Fun Radio. Ah oui, sinon, il y a Mutton Heads aussi qui arrive dans un instant. Restez là. Fun Radio présente. Orelsan en concert. Le samedi 26 janvier 2012 à l'antenne Belgique, vous ne résisterez pas au chant des sirènes. Orelsan en concert, un artiste qui marque sa génération avec une flopée de tubes et de moments live impressionnants. Je resterai pas bloqué dans une parodie de succès. Samedi 26 janvier 2012, Orelsan en concert à l'ancienne Belgique. Infos et réservations sur abconcert.be. Mutton Head sur Fun Radio avec Trust You Again. 7h17, bon réveil tout le monde. On va prendre Tony qui est avec nous maintenant pour la réponse à la devinette qui colle. Salut Tony. Salut. Ça va et toi? Ça va, ouais. Bon, bah tant mieux. Tony, sois le bienvenu. Tu nous appelles pour la devinette qui colle. Je la répète. Dunel, c'est l'extrémité en cuisine. Il est battant. Son coup nous remet sur pied. Qui est-il? Un fouet. Un fouet, c'est une bonne réponse. On vient de proposer un couteau ou une cuillère en bois. Non, je vois pas le rapport. Mais tu peux difficilement faire monter des œufs en neige avec une cuillère en bois. Ouais, et surtout l'utiliser dans des clubs SM. Enfin, oui, tu peux. Ah bah, écoute, je crois que tu utilises tout ce que tu veux, à mon avis. Un gros écran plat, tu peux utiliser aussi. Bon, bah, on va te filer un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Tu veux quoi, Tony? L'écran plat, il est pour toi, il n'y a pas de problème, Tony. Bah, voilà, bah, je te souhaite une bonne journée. Tu restes au standard, ouais. On va reprendre tes coordonnées, d'accord? Merci. Salut, salut Tony, à bientôt. Salut. Allez, et c'est l'heure maintenant, évidemment, avant de parler de l'amour et dans le pré, ça va arriver ça. Nous allons passer à l'horoscope. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Comme chaque matin sur Fun Radio, c'est l'horoscope avec l'ami Doudou. Hein. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, Doudou, là? Ah, bah j'ai dû venir à pied ce matin, hein. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Bah pourquoi? Bah à cause de la grève. Bah oui, il y avait pas de bus cette nuit, alors vous croyez quoi que j'ai, comment j'ai dû faire? Oh, bah ça vous a pas fait de mal à votre sport, hein? Ah bah oui, on voit bien que c'est pas vous qui l'avez monté à l'attitude 100. Oui, mais c'est rien, Doudou. Allez, on va faire l'horoscope maintenant, vous êtes encore en forme, profitons-en. Les béliers. C'est vous qui l'avez dit, hein. Les béliers, vous vous êtes trompés, ça fait partie du jeu de subir parfois des échecs. D'accord. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier, non, Mickaël? Ah, pour Kravitz? Ouais, c'est clair. T'es trompé. Ouais, les taureaux. Ne soyez pas si ferme, ça fait du bien de se laisser guider. Les gémeaux. Des projets financiers ou professionnels devraient vite être réalisés. Les cancers, comme je dis. Oh là là là là là là là. Oh là là, vos finances exigent votre plus grande attention. Oui, ça c'est sûr. Oui, réfléchissez encore une fois à vos grosses dépenses. Hein. Bon, d'accord. Bien, je pense que les vacances aux Caraïbes, c'est pas pour cette année. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Les lions. Une bonne idée pourrait éveiller la jalousie de vos collègues. Les vierges. Ne montrez pas votre humeur de ronchon, ça n'a rien de bon pour le climat au travail. Les balances. Soyez particulièrement vigilants, les envieux et les intrigants sont à l'œuvre. Les scorpions. Cette journée est magique, laissez-vous surprendre. Les sagittaires. Vénus satisfait d'autres signes du zodiaque en ce moment, vous allez vous sentir bien seul. Les capricornes. Osez des changements et récompensez-vous de temps en temps. Les Verseaux. Votre travail sans vous travaillez sans difficulté, vous réagissez rapidement et vous savez faire face aux challenges inattendus. Et enfin, pour finir, les poissons. Oh, vous n'arriverez à rien en voulant tout faire seul. Ah oui, ça c'est sûr. On vous retrouve dans une heure, Doudou. Bah oui, forcément. Eh bah très bien, bah restez bien là dans un instant. L'amour est dans le pré. Il va y avoir du lourd. Il va y avoir du très très lourd. En attendant, on s'écoute Maroon 5 sur Fun avec Christina Aguilera. C'est Moves Like Jagger, 7h20. Le son des Maroon 5 sur Fun Radio à l'instant, c'était Moves Like Jagger, il est 7h24. Bon réveil tout le monde, avant de parler de l'amour et dans le pré, je vais vous annoncer la nouvelle devinette qui colle pour repartir avec un écran plat encore ou avec le pack Nintendo. Oui, écoutez bien, on lui fait constamment la peau à vos semelles, il est collé, il est souvent rond au bureau, en haut du crâne, il est perché. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Écran plat à gagner ou les packs Nintendo. Oui, je répète, on lui fait constamment la peau. À vos semelles, il est collé. Il est souvent rond au bureau. En haut du crâne, il est perché. On peut en avoir... on peut avoir un salon de comme ça, où on peut avoir des sièges dans la voiture, comme ça également. On peut avoir une ceinture. On peut l'appeler également pour appeler un portefeuille. Par exemple, on peut dire, ah tiens, c'est un peu blair, hein, mais on peut le dire comme ça également. Si vous avez la bonne réponse, d'autres réponses éventuelles, enfin d'autres indices en tout cas ? Non. Si toutefois vous avez la réponse ? Pas du tout. Ah ben voilà, c'est sûr. Moi je ne l'ai pas en tout cas. Je pense l'avoir, mais... Mais c'est pas sûr. Hein. Ah non, franchement. Très bien. Non. Bon, bah si vous avez vous la bonne réponse, en tout cas, un couteau, ce n'est pas la bonne réponse. 6322, c'est 1€ le message, je vous donnerai quelques indices si vous en avez besoin d'ici quelques instants. Mais avant cela, si vous n'avez pas regardé hier soir L'amour est dans le pré, sachez que chaque matin, nous sommes là, bien évidemment, pour vous donner les meilleurs moments de cette grande émission. Donc, nouveau grand moment hier soir dans L'amour est dans le pré. Bonjour, j'étais comme chez moi. Oui, mais évidemment Julie, évidemment tu sais que tu es chez toi ici Julie. Et cette semaine ça commence à être un petit peu chaud entre les agriculteurs et les prétendantes. Et oui déjà. Je te laisse le mettre où tu veux. Merci. Mais oui, ça commence déjà pas mal. Hein, donc on sent bien que le Christophe n'en a rien à foutre de ce que le mec, de ce que la fille est en train de dire. Hein. Mais il y en a un par contre pour qui ça s'est... Ça s'est très bien passé, on dirait, écoutez bien. Alors, sympa, ah non, mais c'était super sympa, il nous a grimpé sur le... Comment ça s'appelle ? Eh oui, comment ça s'appelle, hein ? Non, on va pas savoir. Vous avez dit retirer ce son-là, quoi. Ça, c'était bien clair. Bah, je l'ai vu hier, je me suis dit, ah, à mon avis, ce matin, on risque de l'entendre à la radio. On n'en met pas plus, ça va choquer Julie. Hein, bah, oui. Mais c'est trop liquide, ce truc. Ah, d'habitude, tu te tapes pas, hein ? Non, ça, c'est clair. Voilà, non, bah oui, aussi. C'est clair. Hein. Bon, on a compris. Donc elles sont chaudes, c'est de là, évidemment. Hein. C'est insortable, c'est un truc de fou. Bon, sinon, c'était aussi la soirée des éliminations. Les fermiers devaient éliminer une de leurs prétendantes. Et comme pour toute rupture, le plus difficile, évidemment, c'est l'explication. N'est-ce pas, Ben ? Je suis désolé, Laura, mais c'est un concours peut-être de circonstances ou peut-être le fait que voilà, j'ai peut-être moins d'affinité. Avec toi, enfin, je sais pas exactement. Je peux pas vraiment t'expliquer. C'est une question de feeling. Tu sais bien que je fonctionne à ça, quoi. Mais voilà, en bon copain, enfin, je suis super ouvert à ce qu'on puisse garder contact. T'as l'impression qu'il va se mettre à pleurer, lui. Hein. Oh là là. Oui, je vais pleurer. Mon Dieu, au secours. Oh, que va-t-il se passer mon Dieu, hein. Et en bonne infinité, hein. Oui, en bonne. Oui, c'est en bonne infinité. En bonne infinité. Bon. Ben oui. Bon, et puis on sait jamais si ça marche pas avec les deux autres, on se rappelle, hein, comme ça au moins tu vois, il était tranquille, tu vois, il a dit oui, mais t'inquiète pas, je suis ouvert. Oui, je suis ouvert à ce qu'on se rappelle quand même, une fois de temps en temps. On sait jamais. Bon, sinon Michel n'a toujours rien compris au coup de la panne. Oh non, je vais pas encore faire le coup de la panne qu'on a avec ma charrette à traire quand même. Mais qu'on pousse, Michel. Attends, t'es rien, je vais chercher la voiture. Eh oui, on va chercher la voiture. Michel, c'est quand on est parti qu'on fait le coup de la panne, hein, pas avant. Hein, oui. Sinon, ça marche beaucoup moins Michel bien. Michel n'a pas tout compris. Ouais, parce que sinon, évidemment. Un petit ami, un petit souci. Louis s'en mêle et le problème se démêle. Oui, Louis s'en mêle et le problème se démêle. Heureusement qu'il est là, celui-là, quand même. Hein. Merci. Ah là là là là là là. Que ferait-on sans lui ? Mais que ferait-on sans lui ? Que ferait-on sans l'ami Louis ? Je me pose la question. Bon, retour de l'amour et dans le pré, peut-être tout à l'heure. Et puis, on va se faire Jay-Z Linkin Park sur Fun. In the end. 7h27, bon réveil. Jay-Z à l'instant, Linkin Park sur Fun Radio avec In the End. Bonne matinée tout le monde, il est 7h29 et puis on va se faire l'info dans quelques instants. Évidemment, comme chaque matin, vous envoyez vos messages au 3044. On vous rappelle dans un instant aussi la devinette qui colle et on va s'écouter le son de Lucenzo et Don Omar avec Danza Kuduro. Je vous rappelle l'énigme dans un instant car vous donnez pas mal de mauvaises réponses. Hein. Un plafond, une banane, n'importe quoi. 7h30 sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, tout d'abord info pratique, les bus Stib roulent à Bruxelles ce matin, pas de perturbations à prévoir pour les transports en commun et on apprend ce matin que les recettes de la Stib sont en hausse. Le budget revu de la Stib pour l'année 2011 prévoit des recettes de trafic de 172,56 millions d'euros par rapport à 2010. Ces recettes enregistraient donc une hausse de 4%. La Stib fait donc même mieux que ses prévisions. Négociations négociations politiques. Les exigences budgétaires du MR créent de vives tensions. Le MR insistant sur la nécessité d'accroître l'effort des entités fédérées. Depuis vendredi, les Bleus veulent que les régions mettent la main en portefeuille pour réduire la dette de l'État belge. Élodie Rupo n'est pas franchement pour, mais a entendu les revendications du MR. Le formateur a saisi le Conseil supérieur des finances pour actualiser son rapport budgétaire qui balise la répartition de l'effort des entités du pays. En tout cas, le PS et le CDNV sont contre. Seul l'OpenVLD suit le MR. La banque Dexia cherche un nouveau nom. L'entreprise financière qui a été nationalisée la semaine passée a commandé des études de marché pour savoir comment réagiraient ses clients à un changement de marque. En Tunisie, le parti islamiste Ennahda a annoncé qu'il disposait d'une large avance aux premières élections libres du pays. Les résultats définitifs seront annoncés officiellement dans le courant de la journée. En Libye, le corps de Muammar Kadhafi va être enterré aujourd'hui dans le désert. L'endroit exact ne sera pas dévoilé car les Libyens craignent que la tombe de Kadhafi devienne un lieu de pèlerinage malsain. Et puis dans une semaine, nous serons 7 milliards sur Terre et selon les estimations de l'ONU, la population mondiale devrait atteindre les 10 milliards d'ici la fin du siècle. Actuellement, la moitié de la population mondiale vit avec 2 dollars par jour et au moins 850 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire ou de malnutrition chronique, ce à quoi il faut ajouter les pénuries d'eau qui ne font qu'augmenter. Au chapitre sportif, Sabine Appelmans quitte son poste de capitaine de l'équipe belge de Fed Cup de tennis. Pour des raisons privées, elle occupait cette fonction depuis 2007. Elle sera remplacée par Anne De Vries, une autre ancienne championne de tennis belge. Et restez sur Fun Radio, il y a Lucenzo et Donomar qui arrivent dans un instant. Ce sera Danza Kuduro et on passe à la météo maintenant. Il pleuvra durant une grande partie de la journée. Les éclaircies ne reviendront qu'en soirée par l'ouest. Les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés. Demain, retour d'un temps sec. Très bien, la bonne nouvelle. On va passer maintenant tout simplement à l'info en plus à 7h33. Alors, l'info en plus qui vous donne quelques petites idées pour demander des indemnisations à vos patrons. Ouais. Alors, voilà. Indemnités, si... plutôt, non ? Des indemnités, oui. Ça fait que c'est... Ouais. Exactement. Mais il n'y a pas de mal, tu sais, Julie. Ça a même personne les plus intelligentes peuvent se tromper parfois. Oui, merci. Ça arrive. Merci, y a pas de problème. Alors, ça ne remet pas en doute tes compétences. Merci. J'ai quelques exemples ici. Par exemple, un employé a réclamé 6000 euros de dédommagement à ses patrons après être tombé du lit en répondant à un coup de téléphone de son travail. Mais il a bien raison. Si le mec l'avait pas appelé, il serait pas tombé du lit. Ah voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Mais alors il y a d'autres trucs un peu plus fous. Par exemple, une autre personne a porté plainte pour détresse émotionnelle après avoir été coincée dans l'ascenseur. Pourquoi pas, hein. Il a quand même touché 1700 euros. C'est normal. Attends, t'es enfermé et tout. C'est genre. Ça. Pour peu que tu sois un peu claustro. Voilà. Non, moi je trouve que 1700 c'est un faible dédommagement. C'est vrai pour tout ce qu'il a subi, c'est vrai. Oui. D'accord. Mais il y en a qui osent quand même. Tout et n'importe quoi. Un nettoyeur de rue a demandé 6000 euros à son patron après avoir eu de la poussière dans les yeux. Alors bon, c'est quand même tu risques un peu d'en avoir dans les yeux si tu balais les rues. Mais bon, voilà. Il a réussi à les obtenir. Hein, donc qui ne tente rien n'a rien. Mais c'est un bon plan. Moi, je vais porter plainte contre mon boss parce que je me lève trop tôt. Ah oui. Écoute, voilà. Pourquoi pas. On devrait. Du coup, je suis fatigué. On devrait avoir une prime par. C'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. On va en parler. Une prime de réveil. Oui, c'est ça. Une prime de réveil, exactement. Ouais. C'est difficile à vivre quand même. Hein. Et alors, j'ai quand même un qui a touché 19000 euros après s'être fait mordre par un chien en allant glisser une carte de visite dans la boîte aux lettres d'un client. Donc tout ça peut vous donner quelques idées. C'est original. Pourquoi pas, ouais. Bon, 7h34 sur Fun Radio, bon réveil. Dans un instant, je vous rappelle la devinette qui colle. Et on va également faire un petit Mickaël réveil la Belgique avec Sébastien Love qui est rue de la Loi à Bruxelles. On en parle dans un instant après Lucenzo et Don Omar. Sur Fun Radio avec Danza Kuduro. Il est 7h37. Si vous aimez ce style de musique, je vous donne bien sûr rendez-vous tous les vendredis soirs sur Fun. Entre minuit et 1h du mat, c'est l'Invasion Latina. C'est avec Manu, tout simplement. Et si vous voulez lui proposer des sons latinos, n'hésitez pas bien sûr à lui faire un petit mail manu@funradio.be. Vendredi, minuit, 1h, vous connaissez le principe maintenant. Je vous rappelle la devinette qui colle, bien sûr, pour repartir avec l'écran plat. Je vous en avais parlé il y a quelques instants. Écran plat ou pas Nintendo Wii. On lui fait constater la peau à vos semelles, il est collé, il est souvent rond au bureau, en haut du crâne, il est perché. On proposait un casque, ce n'est pas la bonne réponse, comme je l'ai dit, car on peut difficilement avoir, un salon en casque. ou avoir l'intérieur de sa voiture, l'intérieur en casque. Non, bah non. C'est-à-dire que c'est pas du tout ça. Ah bah écoute, alors c'est une nouvelle matière qu'on ne connaît pas. Peut-être, mais, oui. Mais ce n'est pas le cas, effectivement. En général, quand on le prend dans sa voiture, quand on prend cette matière-là sur les sièges, ça coûte 10 fois le prix. Ouais. Ah oui, quand même. Ça, oui. Vous savez un petit peu, hein, un petit bah, peu ce que c'est. Hein. C'est bien connu, le casque de vache, ça coûte cher. Mais tout à fait. Donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, quelqu'un réitère en mettant casque. Ce n'est pas la bonne réponse. On lui fait constamment la peau. À vos semelles, il est collé. Il est souvent rond au bureau, en haut du crâne, il est perché. Qui est-il? La bonne réponse, 63-22, bonne chance. Une gomme. Non, pas du tout. Ah, pardon. Pas du tout, mais c'est Cédric qui avait proposé la gomme, mais ce n'est pas la bonne réponse. Nous avons Lob qui est avec nous maintenant, en direct de la rue de la Loi, normalement. Ouais, en direct de la rue de la Loi, je suis là. Très bien, parfait. Pour un petit Mickaël réveil de la Belgique. Ah oui, non, mais ça je confirme, c'est aussi là-bas. Attends, Lob, par contre, il faut vraiment que tu apprennes à mettre ton téléphone plus fort hein, dans tes oreilles. Parce que c'est très, très, très mal. Ah oui, mais ça, je te le confirme. Bon, alors, du coup, donc t'es. Donc t'es rue de la Loi, Lob. Lob! Enfin, voilà. C'est pas possible, il n'entend rien. Non, il n'entend rien. Justement, là, je vais arriver dans le feu rouge, donc, ça va. Je n'ai rien compris à ce que tu as, ce que tu as dit, Lop. Tu m'entends, là? Ouais, tu dois avoir ton kit maïb dégueulasse. Oh là là, putain, j'attends que... Bon, bah, tu sais quoi, Lop, on va refaire un réveil à Belgique à l'autre jour. Hein. Ah, je t'entends. Donc, ça vient de chez toi, alors, ça me rassure. Allô, ouais, voilà. Bon. J'y vais maintenant, alors. Allez, vas-y, vas-y. Ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. Réveil à Belgique, allez, rue de la Loi. Et il n'a toujours pas compris qu'il fallait pas hurler dans le mégaphone, car le mégaphone servait à ne pas hurler. Bon, enfin, en même temps, les mecs qui font les manifs de la CGT, c'est vrai. Ils gueulent toujours dans le mégaphone, pourtant ça fait 20 ans qu'ils y vont c'est à la vrai. Manif. Hein. Ah, ça klaxonne un petit peu là, non? Ouais, un petit peu. Ah ouais, les gens râlent. Hein. Bon, on met la sirène un petit coup là, avant de partir. Un petit coup de sirène, ouais. Allez. Ben voilà, si vous êtes rue de la Loi en ce moment même et que vous voyez un débile qui est en train d'essayer de gueuler, qui est en train de gueuler là, n'hésitez pas à klaxonner et à l'écraser, hein, y a pas de problème. Non. Bon Lob, on va t'offrir un nouveau téléphone aussi à l'occasion, hein. Ah, 4F? Non, pas, je crois pas, non. Bon, ah, merde. Allez, à tout de suite Lob pour la déclaration express dans 40 minutes. Ouais, ok, à tout de suite. Et ce sera comme hier, un café noir sans sucre, hein. Il n'a pas entendu, c'est dommage, pourtant l'annonce était passée, c'est vraiment malheureux. 7h41 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec dans un instant la ligne anti-relou et l'infotrafic. Et puis Kate Deluna qui arrive aussi avec Fatman Scoop, ce sera Drop It Low sur Fun. Ça arrive juste après ça. Mickaël à la radio, Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. 7h45 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous débarquez. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 avec dans un instant la ligne anti-relou. Mais avant cela, que se passe-t-il sur les routes, Julie? Mis à part les ralentissements, comme tous les matins, bien sûr, pour rejoindre la capitale, et ça ralentit forcément encore plus puisqu'il pleut. Eh bien, accident sur le ring d'Anvers en direction des Pays-Bas à hauteur de Anvers, Linkeroever, objet encombrant sur le 334 Lumen en direction de Leuven, à hauteur de Rostelaar. Accident sur le 40 Gand en direction de Bruxelles à hauteur de Alst, et puis objet encombrant également sur le 17 Gand en direction de Courtrai à hauteur de Lokeren. Accident sur la N31 Bruges en direction de Zeebruges, c'est à hauteur de Bruges. Et puis accident sur le 313 à Hasselt en direction de Anvers à hauteur de Reinst. Voilà, donc si vous êtes sur la route, hein, faites gaffe, si vous avez décidé de prendre ce chemin-là, mieux vaut en prévoir un autre. Et puis aussi, autre information aussi, si jamais vous êtes témoin d'un problème, d'un accident, d'un bouchon, même d'un radar planqué, n'hésitez pas à faire jouer la Fun Solidarité, bien sûr. 3044 par SMS ou Mickaël à @funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio à 7h-, 8h-, et 9h-, avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou justement. La ligne anti-relou fonctionne pour tous, toutes et tous. Car oui, On peut donner la ligne anti-relou à un relou qui vient vous draguer dans un bar, dans une boîte, etc. Mais on peut également donner le numéro de la ligne anti-relou à n'importe quelle personne qui vous voudrait du mal. Voilà, qui vous veut du mal ou simplement qui veut vous prendre la tête. Genre par exemple le banquier, hein, par exemple. Ouais, enfin, qui, un relou quoi. Qui vous signale un découvert. Par exemple, je sais pas, votre prof ou le directeur d'école qui voudrait éventuellement signaler un problème, une absence. Hein, genre à la place de donner le numéro de maman, vous donnez le numéro de la ligne anti-relou. C'est ça. C'est voilà. Ça, c'est faux. Oui, ah, bah, ma maman a changé de numéro. Mais oui, bah, je vous le donne le numéro. Je vous donne le nouveau numéro de ma mère. Le directeur va être content, il va se dire ah, quand même, il nous tient au courant, c'est un bon élève, c'est pas mal. Bon, ben voilà, si vous voulez ce numéro, 0473 86 0013, numéro à retenir, bien sûr. Et on va écouter maintenant le premier message. Hey Christine, s'appelle, donc on va se revoir. T'as envie de me revoir, au moins. Je pense que t'as envie de me revoir. On va passer une très bonne soirée, quand même, hein. Ouais, tu me trouvais un peu lourd, mais bon, oui. C'est très bien, je te l'ai dit, c'est ça mon charme, la lourdesse. De toute façon, dommage pour toi que je t'ai pas accompagné, parce que moi, dans ma voiture, j'ai le CD, j'ai une clé USB, j'ai Internet, j'ai tout le bazar. C'est dommage pour toi. Mais bon, on verra bien. Allez, je te laisse, je te remercie beaucoup. Tu m'appelles demain, hein. Tu m'appelles demain, hein. Ouais, donc tu vas m'appeler. Je sais que tu as envie de moi. Ça se voit. Mais bon, c'est vrai que j'étais un peu lourd. Bon. Ouais. Pas faire tort à personne. Allez, ciao, hein, bisous. Hein. Tu m'appelles. Hein. De toute façon, moi, je vais rappeler. Stop. Au revoir. Oh merde, on va se marrer. C'est sans fin, quoi. Oh là là. Bah, il fait 56 secondes, hein. Ah non, voilà. Mais j'aime beaucoup dans ma voiture, j'ai Internet. Écoute, il est super équipé. Hein. J'ai Internet et tout le bazar, hein, tu vas voir. Et ce qui est bien, c'est qu'il lui parle, mais il attend une réponse à chaque fois. Mais oui, forcément, le répondeur ne répondra jamais. Hein. Non. Bon, allez, encore un autre message là. Et voilà, retour de la ligne anti-relou, ce sera dans moins d'une heure sur Fun Radio. Et dans un instant, on va continuer à appeler les gens là pour les emmerder à base d'excréments. Je vous en dis pas plus, il est 8h10 sur Fun. 7h52 sur Fun Radio avec Kate de Luna à l'instant et Fatman Scoop, Drop It Low. Et il y a Milena qui nous a envoyé un petit SMS avec des problèmes sur la route. Senef, Arken, vers Nivelles, bouché à mort. Donc si vous passez par là et que vous avez surtout la possibilité de ne pas y passer, eh bien préférez l'itinéraire bis. C'est Jean-Marc aussi qui nous dit bouchon monstre depuis le haut de Courcelles, tout le long de Winston Churchill jusqu'au rond-point de Gosley. Merci à toi Jean-Marc. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, hein, comme Jean-Marc ou comme Milena, vous me faites un petit mail mikael@funradio.be ou alors le SMS tout simplement fonctionne également. Ça se passe au 30-44, c'est 50 centimes le message. Et on va continuer à faire chier le monde, d'ailleurs c'est le cas de le dire, avant d'écouter Tayo Cruz et Florida dans un instant et avant d'accueillir à nouveau Julie pour l'info. On va donc rappeler, nous avions appelé tout à l'heure, hein, pour des excréments, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, et parce que Julie l'a dit, hein, qu'on pouvait faire de l'or avec. Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai parlé d'un Irlandais qui pensait pouvoir faire de l'or c'est avec vrai. Son caca, mais c'est il vrai. N'a pas réussi, il a juste réussi à foutre le feu à son immeuble. Voilà, donc c'est moi, ça. Parce que je me sens meilleur que lui, je vais essayer d'en récupérer pour faire mes propres expériences. Oui, mais ça marche pas, Tof. Hein. On verra, vous dites encore ça parce que je ne suis pas encore riche, mais quand je le serai, vous serez jaloux, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est que je partage. Oui, c'est ça. À mon avis, tu vois, ça va terminer comme hier par exemple, comme ça. Mais combien de raconte de l'abonnement ? Elle va mourir, elle va se casser les couilles de l'autre côté, ça va ? Voilà, ou alors, ou hier. Un petit ami, un petit souci ! Ah merde, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah ouais, je l'ai perdu. Ah bah dis-le, il est là. Tu as dit d'aller te faire foutre. Voilà, tu vois, ça va terminer comme ça, à mon avis. Bon, on va appeler où alors ? Ben écoute, nous allons appeler à Bruges. Allez, on va à Bruges maintenant et puis je vous rappellerai la petite devinette qui colle juste après. Direction Bruges maintenant pour essayer d'avoir des excréments pour faire de l'or. Pas toujours facile. Hein. Allô ? Oui, bonjour monsieur Caca ? Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis sur le point de réaliser une expérience exceptionnelle. Je vais pouvoir créer de l'or à partir d'une matière première très simple à trouver, le caca. Je ne comprends pas français. Ah oui. Mais vous faites caca. Yeah. Voilà. Mais je voulais savoir si je peux vous l'acheter. Je ne comprends pas français. Bah, en fait, quand vous allez aux toilettes. Oui, toilettes, yeah. Vous voyez, voilà. Eh ben, en fait, moi, je veux ce qui tombe. Vous voyez, toilette, plouf. Ben, moi, je le prends. Monsieur, je veux faire une espèce d'évidence. Non. Non. Allez, salut. Il a quand même fait l'effort, hein. Il est quand même pas mal. Il a fait l'effort. Bon, ben voilà. Spectre Airlines. Non. Un petit peu quand même, minimum. Non. Non, d'accord, ok. Bon, bah alors tant pis, si tu mets pas du tien, alors hein, va te faire On n'y arrivera pas. C'est ça. 7h55 sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle. Dans un instant, le temps d'écouter le son de Tayo Cruz et Florida maintenant. C'est Hangover sur Fun Radio. C'est nickel à la radio, sur Fun Radio. Tayo Cruz avec Florida à l'instant, c'était Hangover. Il est 7h59 sur Fun Radio. Bon réveil, je vous avais promis de vous reparler de la devinette qui colle. Eh bien, c'est donc chose faite. On refait la petite énigme. Écoutez bien, pour repartir avec un écran plat ou avec les packs Nintendo Wii, écoutez bien. On lui fait constamment la peau à vos semelles. Il est collé, il est souvent rond au bureau, en haut du crâne, il est perché. Car oui, on peut également avoir... Il peut être chevelu. Mm-hmm. Il peut être chevelu, on peut l'avoir dans la voiture par exemple pour recouvrir les sièges, ou alors un salon de cette matière-là. On proposait un bonbon. Oui, non, alors parce que techniquement... Et ça colle, tu sais quand il fait chaud là et que tu t'assis dans la voiture et... Ah, ça colle. Ouais, voilà, c'est ça. En été, c'est quand même un petit peu perturbant parce que c'est quand même relativement chaud et en hiver, c'est très très froid. Donc. Ça n'a aucun intérêt, hein, moi je le dis. Bah, aussi, non, c'est bien parce que quand tu fais une tache dessus, tu vois, tu peux l'essuyer. Alors qu'avec du tissu, c'est oui. la merde. Oui, c'est vrai. Donc voilà, tu vois. Non, non, sinon, quand tu sais pas, tu me demandes. On propose chat perché. Oui, comment on propose quoi ? Chat perché. Chat perché, ah, oui, non, oui, pas bien du sûr, tout. C'est voilà. vrai, on fait beaucoup de sièges en chat perché. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde, il y a des écrans plats à gagner ou des packs Nintendo Wii. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Mika avec Elle me dit. On vous remboursera vos factures également, je vous explique ça dans quelques instants sur Fun Radio. Mais avant cela, bien sûr, nous allons passer à l'info. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. 8h pile sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, un tireur fou sévit dans les rues de Saint-Josse. Une personne a blessé 6 passants en tirant avec une carabine à plomb. L'auteur et l'arme n'ont pas encore été retrouvés. Le premier cas remonte à vendredi soir. L'enquête a permis de localiser la planque du sniper. Ce dernier tire depuis une chambre d'un petit hôtel situé dans la rue du Progrès. Au total, 6 personnes ont porté plainte en moins de 48 heures. La plupart des blessures sont superficielles, mais touchées à la tête, derrière l'oreille. Une personne est cependant en incapacité de travail pendant 10 jours. L'enquête se poursuit pour identifier l'auteur des tirs. Négociations politiques, les exigences budgétaires du MR créent de vives tensions. Le MR insistant sur la nécessité d'accroître l'effort des entités fédérées. Depuis vendredi, les Bleus veulent que les régions mettent la main en portefeuille pour réduire la dette de l'État belge. Elodie Rupo n'est pas franchement pour, mais a entendu les revendications du MR. Le formateur a donc saisi le Conseil supérieur des finances pour actualiser son rapport budgétaire qui balise la répartition de l'effort des entités du pays. En tout cas, le PS et le CDNV sont contre. Seul l'Open ULD suit le MR. La banque Dexia cherche un nouveau nom. L'entreprise financière qui a été nationalisée la semaine passée a commandé des études de marché pour savoir comment réagiraient ses clients à un changement de marque. Mais oui, claquons le pognon qui reste. Bah oui, c'est ça, c'est complètement idiot. Oui, c'est vrai. En Libye, le corps de Muammar Kadhafi va être enterré aujourd'hui dans le désert. L'endroit exact ne sera pas dévoilé car les Libyens craignent que la tombe de Kadhafi devienne un lieu de pèlerinage malsain. Et puis dans une semaine, nous serons 7 milliards sur Terre. Et selon les estimations de l'ONU, la population mondiale devrait atteindre les 10 milliards d'ici la fin du siècle. Actuellement, la moitié de la population mondiale vit avec 2 dollars par jour. Et au moins 850 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire ou de malnutrition chronique, ce à quoi il faut rajouter les pénuries d'eau qui ne vont faire qu'augmenter. Au chapitre sportif, Sabine Appelmans quitte son poste de capitaine de l'équipe belge de Fed Cup de tennis. Pour des raisons privées, elle occupait cette fonction depuis 2007. Elle sera remplacée par Anne De Vries, une autre ancienne championne de tennis belge. Et oui, elle réfléchit quand même. 8h02 sur Fun Radio. Dans un instant, il y aura le son de Mika avec Elle me dit. Et puis on va passer à la météo. Il pleuvra durant une grande partie de la journée. Les éclaircies ne reviendront qu'en soirée par l'ouest. Super. Les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés. Demain, retour d'un temps sec. Exactement, oui, tout à fait. Dans un instant, je vous explique comment faire pour repartir avec le remboursement de vos factures. Et on proposait pour l'énigme Cédric de Bruxelles qui dit l'énigme est une housse imperméable. Mais non, évidemment. Mais vous en pas, c'est, cherchez pas trop trop loin non plus, hein, c'est de la peau. Voilà, on peut pas dire mieux quand même. Fun Radio. Fun Radio. Et pour rembourser vos factures, eh bien la règle est relativement simple. Vous nous envoyez un petit message au 6322 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme par exemple là 73,16€ pour une facture Mobistar, 63€ pour un jeu Xbox, 100€ pour la redevance télé, 45€ pour Jérôme de Charleroi, mais on ne sait pas ce que c'est, 132,90€ pour la cotisation annuelle de la mutuelle, 73,16€ pour la facture Mobistar, 57€ pour Télénet, qu'est-ce qu'il y a, 63,90€ pour une la couverture encore de la jument là, comme tout à l'heure. Si vous aussi vous voulez contenter de vous rembourser vos factures, 63,22€, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On fait ça dans 5 minutes. En attendant, c'est l'info en plus. Alors moi je sais, Mickaël, que tu as un espèce de petit fantasme avec les avions. On en a déjà discuté. Et tu aimerais bien vivre un crash mais sans mourir. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Eh bien écoute, si tu avais pris l'avion de Ryanair... Mais rassurez-vous, je suis suivi. Hein. Oui, mais on le suit depuis quelques années, mais malheureusement, il n'y a aucune amélioration. Voilà. En tout cas, si tu avais pris un avion à Ryanair qui devait relier donc l'Angleterre à la Lettonie, tu aurais peut-être pu avoir un petit peu d'excitation, de peur, puisque c'est ça qui t'intéresse. Ouais. Parce que quand même, un avion avec 200 passagers à bord a dû rebrousser chemin parce que, ils avaient réparé la fenêtre du pilote avec du ruban adhésif. Bien sûr, mais oui. Normal. Mais quelle bonne idée. Donc avant le décollage, les passagers avaient pu observer l'équipe au sol s'activer autour du pare-brise et horrifiés de voir que celui-ci avait été réparé avec du simple ruban adhésif. Donc les autorités, bien sûr, irlandaises de l'aviation déclarent que le ruban avait été utilisé comme précaution supplémentaire, évidemment. Mais pour précaution qui ne sert absolument à rien, parce qu'avec la force qui est en haut, monsieur. Voilà, c'est ça. Donc Ryanair se défend, évidemment, en expliquant que les procédures normales ont été suivies. Mais ce n'est pas franchement l'avis des passagers qui, là, maintenant, sont un petit peu en colère. Que, tu m'étonnes. Voilà, forcément, ils sont décollés avec du ruban adhésif. Bah, ils ont forcément dû rebrousser chemin parce que ça ne tenait pas. Bah, oui, évidemment. Donc, tiens, voilà, tiens. C'est tout à fait étonnant. C'est incroyable. Donc voilà, donc c'est un petit peu une info qui fait un petit peu peur. Tu Ryanair, m'étonnes. Tout ça, ça coûte moins cher, mais ouais, on répare avec du ruban adhésif. C'est ça, coûte tellement moins cher qu'ils ont préféré du ruban adhésif à de la glu. Oui. C'est ça. Donné, il faut alors savoir que, ce qu'on veut. Alors que notre bonne super glu 3, là, je suis sûr que ça aurait déchiré. Ouais, ils auraient fait un effort aussi. 8h06 sur Fun Radio, on vous rembourse vos factures dans un instant et on écoute Mika maintenant. C'est Elle me dit sur Fun Radio. Dans un instant, la réponse à l'énigme qui colle pour repartir avec les écrans plats. Mais avant cela, bien évidemment, nous payons les factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et oui, à 8h09, c'est comme ça que ça se passe. Remboursement intégral de factures. On appelle quelqu'un au hasard qui s'est inscrit au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, 127€ pour l'entretien du poêle à pelet. 150€ pour la nuit cabane, c'est hôtel pour les 40 ans, d'accord, ok. 69,90€ pour une bague, 150€ pour un voyage scolaire, 60€ pour Luminus, 49€ pour Proximus. Si on appelle pour rembourser combien, Tof? 40€. 45€ même. 45€, d'accord. Allez, si la personne décroche et qu'elle répond bien à la question, c'est gagné. Ça a l'air d'être mal barré. Très mal. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas? Non. Non, je voulais savoir qui paye les factures le matin. C'est Mickaël sur Fun Radio. Eh ben voilà, ça y est, 45€, on va te rembourser ça. Tu t'appelles comment? Joël, de Charleroi. Tu t'appelles Joël, c'est ça? Non, Jérôme. Ah, Jérôme, d'accord, ok. Jérôme de Charleroi, et 45€, ça va te servir à rembourser quoi, ça? Ça, pour les déconner vous. C'est. Oui, tu aurais mieux fait d'acheter un téléphone. Hein. On t'aurait remboursé un téléphone, ça aurait été plus pratique. C'est pour le décodeur, vous, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Eh ben, écoute, on va te rembourser ça. Hein. On va t'envoyer ça chez vous. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. 45€. Salut, Jérôme de Charleroi. À bientôt. Et voilà, si vous voulez faire comme Jérôme et comme Manon qu'on a eu tout à l'heure, qui ont tous les deux décroché d'ailleurs pour le remboursement des factures, eh bien c'est facile, vous faites un petit SMS 6322 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture et on vous appellera avant 9h10, enfin à 9h10 tout simplement, pour vous rembourser vos factures. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture, bonne chance tout le monde. Et dans un instant sur Fun, c'est Niro qu'on écoute. Un son que vous avez découvert sur Fun Radio. Niro avec Promises, ça va arriver dans un instant. Il est 8h12. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrai bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Et il est 8h14 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus sur Fun. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Et dans un instant, on vous offre votre écran plat. Comme d'habitude, tous les matins, il y en a trois qui partent. Écran plat ou pack Nintendo Wii. La réponse et la devinette qui colle, c'est juste après Niro sur Fun Radio. Oh, Niro sur Fun Radio. Et oui, je commence à parler, mais j'oublie de pousser sur le bouton du micro. Forcément, ça, vous m'entendez mal. 8h17, Niro à l'instant, c'était Promises. Il y aura Eve aussi avec Gotta What You Need. Ça va arriver dans un instant. Il y aura l'info aussi de Julie. Ça aussi, ça va arriver dans pas longtemps. Et puis, la réponse maintenant à la devinette qui colle avant d'accueillir Doudou et son horoscope. La devinette qui colle, c'est avec qui? Qui est avec nous? Valérie de Liège. Valérie de Liège. Salut Valérie. Comment ça va, Valérie de Liège? Ça va super, bonjour. Bonjour Valérie. Bon alors, 30 ans de Liège, 99 FM pour écouter Fun Radio dans toute la cité ardente. Non, pas du tout. Bon alors, attention, je t'annonce l'énigme. Si tu as la bonne réponse, l'écran plat ou le pack Nintendo Wii pour toi. On lui fait constamment la peau. À vos semelles, il est collé. Il est souvent rond au bureau. En haut du crâne, il est perché. Qui est-il ? Le cuir, bien sûr, c'est une bonne réponse Valérie, bravo. Tu repars donc avec un écran plat ou le pack Nintendo Wii, tu choisis quoi? L'écran plat, ma belle, il arrive chez toi très très rapidement, il n'y a pas de souci. Je te fais des bisous. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Ciao. Et t'es de quel signe, dis-moi? Vierge, bah très bien. Allez, on va écouter. Est-ce que tu es célibataire? Non, attends, on s'en fout, ce n'est pas l'objet. Bon, bah très bien. Un horoscope de merde. Mais c'est ça, ouais. Bon, on va écouter les vierges dans un instant, tiens. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope, Doudou, c'est bon, j'ai plus besoin de vous, hein. Ah bon, vous allez faire l'horoscope vous-même? Non, j'ai trouvé comment gagner l'euro-million. Ah bon, vous allez faire comment? Eh bien, j'ai acheté le livre The Number Mysteries. Ah bon, il y a la combinaison pour gagner dedans? Non, mais par contre, il y a des techniques. Ah oui, non, alors ouais, ça va, vous avez encore un peu besoin de moi. Non, bah on verra la semaine prochaine, vous allez voir quand j'aurai gagné. Ouais, Vous ferez moins les malins. Bon, les béliers. Alors, vous êtes trompé de livre? Non, pas du tout. Et ça fait partie du jeu de subir parfois des échecs. Bah, vous verrez, ouais. Bon, les taureaux. Ne soyez pas si fermes, ça fait du bien parfois de se laisser guider. Les gémeaux. Des projets financiers ou professionnels devraient vite être réalisés. Les cancers. Oh là là là là là là là là. Vos finances exigent votre plus grande attention. Oui, c'est vrai. Réfléchissez encore une fois avant vos grosses dépenses. Les lions. Oui, c'est pas aujourd'hui qu'elle va remplacer sa porte, là, Julie. Non, c'est sûr. Les lions, une bonne idée pourrait éveiller la jalousie de vos collègues. Les vierges. Ne montrez pas votre humeur ronchon, ça n'a rien de bon pour le climat du travail. Les balances. Soyez particulièrement vigilants, les envieux et les intrigants sont à l'œuvre aujourd'hui. Et oui. Les scorpions. Cette journée est magique, laissez-vous surprendre. Les sagittaires. Vénus satisfait d'autres signes du zodiaque en ce moment et vous allez vous sentir bien seul. Les capricornes. Osez des changements et récompensez-vous de temps en temps. Les Verseaux. Vous travaillez sans difficulté, vous réagissez rapidement et vous savez faire face aux challenges inattendus. Et les poissons pour finir. Oh, vous n'arriverez à rien en voulant tout faire tout seul. Ça c'est sûr. Bon ben merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Oui, dans une heure. Très bien, dans une heure alors. Dans un instant, la déclaration express sur Fun avec Sébastien Loeb et on se fait un petit souvenir là. Eve maintenant, c'est Gotta What You Need sur Fun, 8h20, bon réveil. Et à l'instant sur Fun Radio avec Got What You Need. Et Julie était d'ailleurs en mode hip hop, était en train de bouger tout wesh en place, tout ça, t'as vu? L'info représente sur Fun Radio. check ça. D'ailleurs, elle sera bientôt l'invitée de Vince dans Keep It Real, ce sera vendredi soir, Julie. En mode hip hop R&B. Voilà, tout à fait. Voilà, elle va venir avec en baggy et tout ça, vous allez voir, ça va être la classe. Elle va clasher l'info et tout. Ah ouais, elle va être au top du top, Julie. D'accord, ok. Bon, nous allons prendre. Est-ce qu'il est là, Joao? Oui, il est là, Joao. Salut, Joao, comment ça va? Allô? Ah, on l'entend mieux maintenant. Tu es là, Joao? Ouais, je suis là. Alors, on dit à la portugaise Joao ou alors on dit Joao? On dit Juan. Ah, Juan, donc c'est espagnol avis, alors. Ça va être plutôt, ouais. Ah, bah, c'est, non, c'est espagnol, c'est Juan. Non, mais excuse-le. Ah, bah, non, mais attends, mais c'est pas ça, mais toi, il me dit Juan. Alors, oui, forcément, pour moi, c'est portugais, hein. Oui, mais moi, c'était de la vanne pour toi. Ah, oui, d'accord, ok, très bien. Parce que comme toi, tu es portugais, je t'ai fait la vanne, mais en fait, c'est tout. Bah, oui, quelle vanne. C'est un prénom qui existe, alors. C'était drôle, ça, donc. Bah, oui, moi, je trouvais ça drôle. Quelle belle vanne. Bon, on va t'appeler Jean-Charles. Bon, alors. Je manque d'humour dans cette émission. Jean-Charles. Oh là là. Non, non, mais on ne sait rien faire ici. Rien, on ne peut rien faire. On va faire la déclaration express maintenant. On va appeler qui, Juan? Ah, c'est Audrey en fait. C'est Audrey, elle a 24 ans, elle est de Liège. En fait, c'est une fille. J'ai cru qu'il est de Liège, j'avais compris, elle est biaise. Non, non. D'accord. Eh ben, écoute. Je suis pas très doué pour les déclarations et tout. J'ai trop envie de me rafraîchir. Ma meilleure amie, elle m'a dit qu'il n'y avait pas moyen, mais pas moyen du tout. D'accord. Bon, écoute, on va s'en occuper. T'inquiète pas, on l'appelle maintenant. Ouais, tu l'appelles pas, on a l'expert de la déclaration. Voilà. Comment ça s'appelle encore, tu m'as dit? Audrey. On l'appelle, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire. Et nous, on envoie directement la sauce. D'accord? Allez, c'est parti. Par contre, ça ne téléphone pas, je crois. Ça, c'est bien malheureux. Si, ça téléphone. Non, ça ne téléphone absolument pas, je n'ai rien. Oui, mais... Ah oui, bah oui, mais malheureusement, oui, mais, ça ne marche oui, pas. Oui, mais écoute, hein, moi, je suis avec le matériel qu'on ah donne. Ah bah ouais, mais qu'est-ce que je te dise, moi. De toute façon, il n'y a pas de tonalité. Donc ah bah, il n'y a plus rien qui marche, comme ça, le top, tiens. Comme ça, c'est pas. C'est bon, ça marche pas. Tu veux qu'on la fasse tout à l'heure, la déclaration express? Donc là, j'ai raccroché au nez de Juan. Eh bah, très bien. Écoute, appelle Audrey, c'est le principal. Tu l'as, Audrey, ou pas? Non, c'est pas possible. Une fois, deux fois, bah c'est pas grave. Tu sais quoi, on va faire ça dans un instant. C'est bon. T'es sûr? Ouais, il n'arrive pas en fait à taper sur les bons. Mais c'est touches. Ça. Le problème, c'est qu'il a mis des moufles. Ça, ouais. Mais il est sorti en fait cette nuit. Il m'a mais fait oui, une confidence, c'est ça. À mon avis, il voit double. Elle là. Bon, vous tu sais. Disponible. Ben voilà. On va lui laisser un message sur répondeur. Après le signal sonore. Comme ça, c'est plié. Pour terminer l'appel, raccrochez ou appuyez sur l'étoile pour réenregistrer votre message. Salut Audrey, c'est Mickaël, t'étais sur Fun Radio et on t'appelait de la part de Juan parce qu'il avait quelque chose à te dire et écoute justement ce qu'il avait à te dire. Oh, sur Mojo, avec Lady. Oh yeah. Donc écoute bien Audrey, hein, ça va arriver. Maintenant. Audrey, j'espère que ça t'aura touché de la part de Juan. Malheureusement, on avait Juan, mais on l'a plus, c'est pas grave. Si, mais là, en tout cas, là, ah, il est là, Juan. Ouais, ouais, c'est gars. Bah voilà, j'espère que t'as kiffé la déclaration express. Ah, il délire cette déclaration. Et bah, voilà, c'est parfait alors. Écoute, t'inquiète, si t'en veux une autre, tu rappelles. Voilà, tu nous diras ce qu'elle en a pensé, d'accord? Ok, ça marche. Bon, si elle lui dit quelque chose. Bien sûr, oui, bah, évidemment. Je compte sur toi. Salut Juan et passe une bonne journée. On salue également Audrey. Gros bisous à vous deux. Et puis vous revenez quand vous voulez sur Fun Radio. Dans un instant, c'est l'info qui arrive et je vous annoncerai également la nouvelle énigme pour repartir avec un écran plat. C'est après DJ Antoine sur Fun. Mais qu'est-ce qu'elle est relou Julie aujourd'hui, c'est un truc de dingue ça. Heureusement que vous n'êtes pas dans le studio hein. Oh là là, sans déconner quoi. Bon, DJ Antoine à l'instant sur Fun et je vous annonce la petite devinette qui colle là. Parfois mauvaise et redoutée, elle peut faire des blessés, qu'elle soit d'eau ou de rein. Elle est aussi le mot de la fin. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, il y a un écran plat pour vous. 63 22 par SMS, 1 euro le message si vous avez la bonne réponse. Parfois mauvaise et redoutée, elle peut faire des blessés, qu'elle soit d'eau ou de rein. Elle est aussi mot de la fin. Qui est-il? Ça s'appelle également comme ça quand on parle du Niagara. Voilà, je vous en dis pas plus. Dans un instant, on va écouter le son de Britney Spears avec Criminal sur Fun Radio. Et on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. À 8h31, on enchaîne maintenant avec l'info et avec Julie. Bonjour à tous. Un tireur fou sévit dans les rues de Saint-Josse à Bruxelles. Une personne a blessé 6 passants en tirant dans une carabine à plomb. L'auteur et l'arme n'ont pas été retrouvés. Le premier cas remonte à vendredi soir. L'enquête a permis de localiser la planque du sniper. Ce dernier tire depuis une chambre d'un petit hôtel situé dans la rue du Progrès. Au total, 6 personnes ont porté plainte en moins de 48 heures. La plupart des blessures sont heureusement superficielles, mais touchées à la tête, derrière l'oreille, une personne est cependant en incapacité de travail pendant 10 jours. L'enquête se poursuit pour identifier l'auteur des tirs. Négociations politiques, les exigences budgétaires du MR créent de vives tensions. Le MR insistant sur la nécessité d'accroître l'effort des entités fédérées. Depuis vendredi, les Bleus veulent que les régions mettent la main en portefeuille pour réduire la dette de l'État belge. Elio Di Rupo n'est pas franchement pour, mais a entendu les revendications du MR. Le formateur a donc saisi le Conseil supérieur des finances pour actualiser son rapport budgétaire qui balise les répartitions de l'effort des entités du pays. En tout cas, le PS et le CDNV sont contre. Seul l'Open VLD suit le MR. Plus de 5000 nouveaux Belges n'ont jamais posé le pied en Belgique. La loi sur l'accès rapide à la nationalité belge déraille, estime Théo Franken, un homme politique flamand membre de la NVA. Il y aura prochainement une tentative de modifier la loi à la Chambre avec le soutien du PS. Si cet essai venait à échouer, le dossier reviendrait vraisemblablement sur le bureau du formateur Elio Di Rupo. La banque Dexia cherche un nouveau nom. L'entreprise financière qui a été nationalisée la semaine dernière a commandé des études de marché pour savoir comment réagiraient ses clients à un changement de marque. En Libye, le corps de Muammar Kadhafi va être enterré aujourd'hui dans le désert. L'endroit exact ne sera pas dévoilé car les Libyens craignent que la tombe de Kadhafi devienne un lieu de pèlerinage malsain. Et puis dans une semaine, nous serons 7 milliards sur Terre et selon les estimations de l'ONU, la population mondiale devrait atteindre les 10 milliards d'ici la fin du siècle. Actuellement, la moitié de la population mondiale vit avec 2 dollars par jour et au moins 850 millions de personnes souffrent de malnutrition, ce à quoi il faut ajouter les pénuries d'eau qui vont ne faire qu'augmenter. Au chapitre sportif, Sabine Abelmans quitte son poste de capitaine de l'équipe Fed Cup de tennis pour des raisons privées. Elle occupait cette fonction depuis 2007 et elle sera remplacée par Anne De Vries, une autre ancienne championne de tennis belge. Il y a Britney Spears qui arrive dans un instant sur Fun Radio avec Criminal. Et à 8h34, on passe à la météo. Il pleuvra durant une grande partie de la journée. Les éclaircies ne reviendront qu'en soirée par l'ouest. Les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés. Demain, retour d'un temps sec. Très bien, la bonne nouvelle. Et on va passer maintenant à l'info en plus. L'info en plus pour se faire de l'argent. Ah, alors, j'ai trouvé un petit article qui parle des indemnisations les plus folles réclamées donc à un patron. Alors, par exemple, un employé a réclamé 6000 euros de dédommagement à ses patrons après être tombé du lit en répondant simplement à un coup de téléphone de son travail. Donc voilà, il a osé demander cet argent-là, donc pourquoi pas. Ouais, moi je trouve ça original, hein, c'est bien. Hein. Moi je trouve qu'il a raison. Si ça marche, tant mieux. Ah oui, non, pourquoi pas. Alors il y en a un autre qui a porté plainte pour détresse émotionnelle après avoir été coincé dans un ascenseur sur son lieu de travail, toujours. Ben oui, bien sûr. Il a quand même touché 1700 euros. Hein. Ah ouais. Ce qui est pas mal. Ah ouais, si on reste coincé ici dans l'ascenseur de Fun, on peut peut-être exiger quand même 1700 euros. Écoute, patron. Pourquoi pas. Moi je vais porter plainte contre le patron pour le réveil tôt. Donc tu vois, du coup je risque plus facilement un accident de voiture. Je pourrais demander une prime. Hein. Une prime, voilà, c'est ça. Non, mais il y a plein de trucs comme ça, il faut y penser. Hein. Alors, il y a des trucs quand même très très rigolos parce qu'un nettoyeur de rue a quand même demandé 6000 euros après avoir eu de la poussière dans les yeux. Donc bon, quand même, tu te doutes que s'il nettoie, s'il balait les rues, il a d'office de la poussière, mais il a encore réussi à avoir 6000 euros. Mais l'employeur aurait dû donner des lunettes spécifiques. Peut-être, effectivement. Voilà. Il a raison. Eh bien, en tout cas, le plus gros jackpot, c'est 19 000 euros après s'être fait mordre par un chien en allant glisser une carte de visite dans la boîte aux lettres d'un client. Donc c'est pas mal, hein. Il y en a quand même qui font plaisir. C'est pas mal. Mais ils ont raison aussi, tiens. 8h35 sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle dans un instant. Le temps d'écouter Britney Spears maintenant sur Fun Radio. C'est Criminal. Bon réveil. Dans un instant, on aura Julien Derien. C'est lui qui est tous les soirs dans la tribu, pardon, avec Evan. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'écouter la tribu avec Evan, et bien vous aurez un petit extrait dans un instant. Julien Derien juste après Britney Spears et Criminal. Bonne matinée sur Fun Radio. Britney Spears sur Fun Radio à l'instant avec Criminal. Et je vous rappelle qu'il y a toujours l'écran plat à gagner, l'écran plat ou le pack Nintendo. Oui, bien évidemment. Si vous avez la réponse, c'est la devinette qui colle. Je vous la répète, parfois mauvaise et redoutée,

Eh ben, acheter que dalle, acheter qui va. Acheter qui t'a raccroché au nez, tu vois, c'était, on était à deux doigts d'hier. Ah, hein. Voilà, c'était, on y était, mais vraiment à deux doigts. Ouais. Hein, c'est vraiment dommage. Non, enfin, on était bien. On était pas mal. Bon, bah, donc un échec total, personne veut te la vendre. Hein. Ouais, je suis très déçu. Pourtant, tu voulais l'acheter. Hein, c'est triste. C'est quelque chose qu'ils vont pas vendre de toute façon, donc c'est dommage qu'ils le fassent pas. Bon, eh ben, c'est pas grave, on retentera une autre histoire demain, rassurez-vous. Dans un instant, c'est l'info de Julie qui va débarquer. Et avant ça, on va s'écouter. Écoutez le son d'Adèle maintenant, Set Fire to the Rain. Il est 8h57, bon réveil. On est ensemble jusqu'à 9h30. Dans un instant sur Fun Radio, on va vous rembourser vos factures. 6322 code facture, restez bien là, je vous explique comment faire dans un instant. Et puis on s'écoutait le son d'Adèle à l'instant, Set Fire to the Rain. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h. Et puis l'info de Julie arrive aussi, le temps de vous dire qu'il y a Ina qui arrive. Dans un instant avec Un Momento. Et je vous rappelle aussi, bien évidemment, dans quelques instants, la devinette qui colle pour repartir avec un écran plat. Ne bougez pas de là, je vous rappelle ça dans quelques instants, le temps d'écouter, bien évidemment, l'info de Julie à 9h pile. Bonjour à tous. Négociations politiques, les exigences budgétaires du MR créent de vives tensions. Le MR insistant sur la nécessité d'accroître l'effort des entités fédérées. Depuis vendredi, les Bleus veulent que les régions mettent la main au portefeuille pour réduire la dette de l'État belge. Elio Di Rupo n'est pas franchement pour, mais a entendu les revendications du MR. Le formateur a saisi le Conseil supérieur des finances pour actualiser son rapport budgétaire qui balise la répartition de l'effort des entités du pays. En tout cas, le PS et le CDNV sont contre. Seul l'Open VLD suit le MR. Plus de 5000 nouveaux Belges n'ont jamais posé le pied en Belgique. La loi sur l'accès rapide à la nationalité belge déraille, selon Théo Franken, un homme politique flamand, membre de la NVA. Il y aura prochainement une tentative de modifier la loi à la Chambre avec le soutien du PS. Et si cet essai venait à échouer, le dossier reviendrait vraisemblablement sur le bureau du formateur Elio Di Rupo. Un tireur sévit dans les rues de Saint-Josse à Bruxelles. Une personne a blessé 6 passants en tirant avec une carabine à plomb. L'auteur et l'arme n'ont pas encore été retrouvés. Le premier cas remonte à vendredi soir. L'enquête a permis de localiser la planque du sniper. Ce dernier tire depuis une chambre d'un petit hôtel situé dans la rue du Progrès. Au total, 6 personnes ont porté plainte en moins de 48 heures. La plupart des personnes sont évidemment et heureusement ont des blessures donc superficielles, mais une est touchée à la tête, derrière l'oreille. Donc une personne est cependant donc en incapacité de travail pendant 10 jours. L'enquête se poursuit pour identifier l'auteur de ces tirs. La banque Dexia cherche un nouveau nom. L'entreprise financière qui a été nationalisée la semaine passée a commandé des études de marché pour savoir comment réagiraient ses clients à un changement de marque. À l'étranger, en Libye, le corps de Muammar Kadhafi va être enterré aujourd'hui dans le désert. L'endroit exact ne sera pas dévoilé car les Libyens craignent que la tombe de Kadhafi devienne un lieu de pèlerinage malsain. Et puis dans une semaine, nous serons 7 milliards sur Terre. Et selon les estimations de l'ONU, la population mondiale devrait atteindre les 10 milliards d'ici la fin du siècle. Actuellement, la moitié de la population mondiale vit avec 2 dollars par jour et au moins 850 millions de personnes souffrent de malnutrition, ce à quoi il faut ajouter les pénuries d'eau qui ne vont cesser d'augmenter. Au chapitre sportif, Sabine Appelmans quitte son poste de capitaine de l'équipe belge de Fed Cup de tennis et ce pour des raisons privées. Elle occupait cette fonction depuis 2007. Elle sera remplacée par Anne De Vries, une autre ancienne championne belge. Et restez bien sur Fun Radio car dans un instant nous aurons évidemment l'occasion d'écouter comme promis le son de Ina avec Juan Magan. Ça sera Un Momento. Mais avant cela, passons à la météo à 9h02. Il va pleuvoir durant une grande partie de la journée. Les éclaircies ne reviendront qu'en soirée par l'ouest. Température entre 8 et 13 degrés. Demain, bonne nouvelle, retour d'un temps sec. Ah, c'est effectivement une bonne nouvelle. Dans un instant, eh bien, nous allons rembourser vos factures. Et je vous explique dans 30 secondes comment faire pour que vous puissiez vous faire rembourser vos factures sur Fun Radio comme chaque matin à 7h, 8h et 9h10. Fun Radio. Fun Radio. Et le remboursement des factures sur Fun Radio, comme chaque matin, ça va se passer dans 5 petites minutes. Si vous voulez avoir une chance qu'on vous rappelle en direct sur Fun dans 5 minutes, eh bien, la règle est simple. Envoyez-nous un petit message pour vous inscrire, forcément, au 6322. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, par exemple, hein, 63,60€ pour le dépannage du chauffage, 100€ pour le voyage scolaire, 132€ pour la cotisation annuelle de la mutuelle, 47,40€ pour des Tupperware, d'accord, 75€ pour le voyage voyage scolaire de ma fille, 65,48€ pour Proximus, 50€ pour des chaussures. Bref, on rembourse tout et n'importe quoi. Si vous voulez avoir une chance qu'on vous appelle en direct dans 5 minutes, 63,22€, 1€ le message certes, et vous envoyez facture en début de message, puis le montant et l'objet de la facture, et c'est peut-être chez vous qu'on appellera d'ici 3-4 minutes. Mais avant cela, bien évidemment, c'est l'info en plus. Alors, les passagers d'un avion Ryanair qui reliait l'Angleterre à la Lettonie ont eu une petite frayeur. En fait, un avion avec 200 passagers à son bord a dû rebrousser chemin vers Londres après que le ruban adhésif utilisé pour colmater la fenêtre du pilote montre des signes de faiblesse. Mais c'est normal, il y a un moment, quand la fenêtre est pétée, qu'est-ce que tu mets? Tu mets du ruban adhésif, normal. Du petit papier collant que tu trouves comme ça vite fait dans la boîte à gants, là, et voilà. Alors voilà, en fait, avant le décollage, les passagers avaient pu observer l'équipe au sol, donc ceux qui réparent les avions, s'activer autour du pare-brise, donc du pilote. Mec, Gérard, il manque une vis. Voilà, c'est pas grave, hein, mais du papier collant. Voilà, horrifié de voir que celui-ci était réparé avec du simple ruban adhésif qui n'a évidemment pas tenu le choc. Sans déconner. Bizarre. Donc, le pilote a décidé de rebrousser chemin et de ne pas aller jusqu'à sa destination finale, qui était donc la Lettonie. Alors, l'autorité irlandaise de l'aviation déclare que le ruban avait été utilisé comme précaution supplémentaire pour assurer l'étanchéité de la fenêtre. Et Ryanair, évidemment, la société donc, se défend en expliquant qu'elle avait suivi les procédures normales de sécurité et que ni les passagers ni l'équipage n'ont été en danger. C'est ce qui est arrivé également, je ne sais pas si vous avez vu, ça passe parfois dans Doc de Choc sur RTL, sinon sur Nat Geo dans Air Crash. C'est arrivé la même chose, c'est un avion qui faisait l'Angleterre vers Barcelone, je crois. Et en fait, le mec de la maintenance avait changé la vitre parce qu'il y avait un problème, et en fait, il avait pas remis exactement les mêmes vis. Elles ressemblaient, donc il n'allait pas chipoter pendant 107 ans, quoi. Et en fait, la vitre a pété, et le pilote, en fait, a été extrait de l'avion, et il a terminé son vol sur l'avant de l'avion à l'extérieur à 10 000 mètres d'altitude. Il était gelé, mais il a survécu. Mais non, arrête. Il a survécu, un truc de fou. Je vous conseille ce documentaire-là, il est plutôt pas mal. Voilà, je vous dis ça, moi c'est parce que je suis fan d'Air Crash et de crash d'avion, donc c'est pour ça. Voilà, 9h06 sur Fun Radio. Dans un instant, comme je le disais, on rembourse vos factures. On donnera la réponse à la devinette qui colle. Tiens, j'ai encore le temps de vous l'annoncer. Parfois mauvaise et redoutée, elle peut faire des blessés, qu'elle soit d'eau ou de rein. Elle est aussi le mot de la fin. Qui est-elle? 63,22, 1€ le message. Écran plat gagné. On peut dire qu'elles sont du Niagara également. Le son à l'instant d'Ina avec Un Momento. Il est 9h09 sur Fun Radio. Nous allons maintenant rembourser les factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Tous les matins sur Fun Radio, on vous rembourse vos factures. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas très compliqué. Il suffit de s'inscrire au 6322 en débutant votre message par facture. Et on appelle tous les matins pour vous rembourser votre facture. On va rembourser combien là? 50,95€. 50,95€, d'accord. Si la personne décroche et qu'elle répond bien à la question que je lui pose, c'est gagné. Alors, on écoutera Bad Meets Evil aussi avec Bruno Mars après. Lighters. Il y aura l'horoscope de Doudou et la réponse est la devine qui colle. Et ça m'a l'air bonjour, mal. Bonjour, je suis le répondeur de Dominique. Je ne salut, suis pas là pour Dominique. Salut, Dominique. Merci. Mais Dominique s'est fait niquer, on peut voilà, le dire, de 50,95€. Eh oui. Allô, Dominique. Malheureusement, c'était Fun Radio. On t'appelait pour te rembourser ta facture de 50,95€. Et malheureusement, tu n'as pas décroché. Et c'est bien malheureux, puisque quand on s'inscrit à un jeu et qu'on sait qu'on est appelé éventuellement à 7h, 8h et 9h10, l'idéal, évidemment, c'est de décrocher quand tu connais pas un numéro qui t'appelle ou que c'est un numéro masqué. C'est dommage. Bon, 50,95€ dans le cuculu, hein. Eh oui. Comment on dit, hein. Allez, pas de chance. Eh ben voilà, pas de chance. Tu retentes ta chance quand tu veux. Et puis les autres te remercient également, puisque du coup, ils auront plus de chances de gagner. Voilà. 63,22 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bien évidemment, nous rappellerons dès demain à partir de 6h du matin. Bon, voilà, ça c'est fait, tiens. On va s'écouter le son de Bad Meets Evil aussi dans un instant avec Bruno Mars, Lighters. Et tu voulais dire un truc par rapport à la devinette qui colle, je vais la répéter. Parfois mauvaise et redoutée, elle peut faire des blessés, qu'elle soit d'eau ou de rein. Elle est aussi le mot de la fin. J'avais dit qu'on pouvait. Elles sont également du Niagara. Oui, moi j'allais dire qu'elles sont parfois libres. Elle est... Ah oui, c'est vrai, ouais, exactement, ouais. Oui, tout à fait. Et bien évidemment, elles peuvent être mauvaises également, surtout chez les vieilles personnes qui peuvent se casser une hanche due forcément à cette mauvaise chose. Si vous avez la réponse 6322, on vous appelle dans moins de 10 minutes pour vous offrir votre écran plat ou simplement votre pack Nintendo Wii. Bonne chance. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Bad Meets Evil sur Fun Radio avec Bruno Mars, c'était Lighters, il est 9h16. Et nous allons maintenant, dans quelques instants en tout cas, faire l'horoscope, le dernier de la journée. On reparlera bien évidemment de l'amour et dans le pré dans quelques instants, bien sûr, restez bien là. Et nous avons la réponse à la devinette qui colle maintenant. Il y a Lenny qui est avec nous. Salut Lenny. Salut, salut. Non, ça me fait de la peine ce prénom, ça me rappelle que j'ai raté le concert de Lenny Kravitz hier soir à cause de ce putain de pneu crevé. Eh oui, oh là là. T'as trop fait le malin, Miguel. Ah ouais. Déception totale du public. Je suis très déçu, déçu. Oh là là, enfin, en plus il paraît que le concert a déchiré. Bah ouais, je sais bien, mais il revient à Anvers là, mais je connais personne qui pourrait me regarder pour avoir des places gratos, donc ça pour. Bon, enfin bon, si jamais vous en avez, vous les donnez, n'hésitez pas, je suis preneur. Hein. Je peux vous les changer contre nu avec Julie. Ça me paraît un bon plan. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. Voilà, vous me donnez vos deux places, je vous donne Julie pendant une nuit ou une journée, après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je suis d'accord. Bah, ça me paraît un bon plan, tiens, voilà. Comme ça vous le savez, vous me tenez au courant. Ouais. Bon, Lenny, t'as la réponse à la devinette qui colle, t'appelles de bel oeil donc. Ça n'a aucun rapport, mais comme ça au moins on le sait. Attention, écoute bien. Parfois mauvaise et redoutée, elle peut faire des blessés, qu'elle soit d'eau ou de rein. Elle est aussi mot de la fin. Qui est-elle ? La chute, et oui, bien sûr, la chute du Niagara, la mauvaise chute. Rien de plus simple. Ah, elle pouvait être de cheveux également, la chute de cheveux, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais bon, en tout cas, bravo à toi, c'est gagné, tu repars avec un écran plat. Super. Écran plat ou le pack Nintendo Wii? Je prends l'écran plat. Eh ben, tu devrais prendre le pack, hein, vu le petit gratuit, là, hein, ça aurait fait un petit peu de sport avec la Wi-Fi par exemple. Hein. Non, mais ça va, j'en fais un temps normal, donc l'écran plat sera le bienvenu. Ah bon, alors ça va, alors très bien. Bon, bah salut à toi alors, Lenny, tu retentes ta chance, pas du tout en fait, puisque t'as gagné. Tu retournes par contre au standard, d'accord? D'accord, pas de soucis, un grand merci, bonne journée à tout le monde. Salut, à bientôt, toi aussi. Salut, à bientôt. Bye bye. Et à 9h18 maintenant, nous allons maintenant faire le dernier horoscope de la journée avant d'écouter Pitbull et Marc-Anthony. Fun Radio. L'horoscope. C'est parti pour l'horoscope ce matin, bien évidemment avec l'ami Doudou. Vous avez un Facebook, Doudou? Oh là là là là, non je pourrais pas hein. Bah pourquoi? Ah parce que il y aurait toi de jalouse. Vous la racontez un peu là quand même, non? Ah non, pas du tout, mais regardez, si je suis avec Marie Géraldine et qu'elle met un statut sur son Facebook, hein, et ben après je vais avoir Marie Audouet, Marie Aline, Marie Oui, bon, c'est bon, on a compris, vous êtes débordés. Bon, allez, Doudou, on va faire l'horoscope car on n'est pas en avance, hein, on va commencer par les béliers. D'accord, alors vous vous êtes trompé, ça fait partie du jeu de subir parfois des échecs. Ouais, les taureaux. Ne soyez pas si ferme, ça fait du bien de se laisser guider. Les gémeaux. Des projets financiers ou professionnels devrait vite être réalisé. Les cancers comme Julie qui ne vous écoute pas parce qu'elle est en train de lire public. Hein. Mais c'est dommage. C'est une chose à faire de que vous écoutez. C'est toujours que, de toute façon, c'est toujours des horoscopes tout pourris que moi que j'ai avec vous. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes riche en ce moment? Non. Elle est blindée. Alors c'est bien ce que je disais. Vos finances exigent votre plus grande attention. Réfléchissez encore une fois avant de faire des grosses dépenses. Donc changement de porte à la voiture. Elle va pas changer la porte. Elle change la voiture. Julie, quand elle a une griffe, elle change laquelle directement. Évidemment, je la jette. Mais bien sûr, elle en a rien à foutre. Alors peut-être penser à une Porsche à la place de la Ferrari. Peut-être, oui. Les lions. Une nouvelle idée pour éveiller la jalousie de vos collègues. Ah bon, d'accord, les vierges. Ne montrez pas votre humeur ronchon, parce que ça n'est pas bon au travail d'être ronchon. Ouais, ça c'est sûr. Les balances. Soyez particulièrement vigilants, les envieux, les intrigants sont à l'œuvre aujourd'hui. Les scorpions. Cette journée est magique, laissez-vous magique. Surprendre. Mais oui. Magique, très bien. Les sagittaires. Vénus satisfait d'autres signes du zodiaque en ce moment. Vous allez vous sentir seul. Les capricornes. Les capricornes, osez des changements et récompensez-vous de temps en temps. Les verseaux. Vous travaillez sans difficulté, vous réagissez rapidement et vous arrivez à faire face à des challenges inattendus. Et pour finir, les poissons. Vous n'arriverez à rien en voulant tout faire tout seul. Non, c'est évident. Merci Doudou, on vous retrouve demain. Mais oui, évidemment. Demain, bien sûr, dès 6h du mat. Oh dans un instant, là. On parlera, oui, ça va être dur, de l'amour et dans le pré. Avant ça, évidemment, on s'écoute le son de Pitbull et Marc-Anthony maintenant. Rain Over Me. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Pitbull avec Marc-Anthony. Ah nom de Dieu, oui, j'aime bien ça. Oui. Ah nom de Dieu. Je m'en doutais bien évidemment, car nous allons parler effectivement de l'amour et dans le pré. À 9h24 ce matin sur Fun Radio. L'amour et dans le pré, c'était hier. Et oui, grande émission. On a eu un nouveau droit, un grand moment dans l'amour et dans le pré. Nous venons donc d'abord saluer Julie. Bonjour, rentrez comme chez moi. Oui, bah bien sûr, évidemment que tu fais comme chez toi. Tu sais bien que t'es la bienvenue, Julie. Hein. Cette semaine, ça commence à être un petit peu chaud d'ailleurs entre les agriculteurs et les prétendantes. Je te laisse le mettre où tu veux. Merci. Il a l'air motivé en plus, hein. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il a envie qu'il de l'allumer. Et on sent bien que Christophe n'en a rien à foutre, hein. Mais il y en a par contre pour qui ça s'est très bien passé, on dirait, hein. Je te laisse le Non, mettre. Pas du tout. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Bah alors. Ouais, sympa, ouais. Ah non, mais c'était super sympa. Il nous a grimpé sur le. Comment ça s'appelle? Ah bah oui, comment ça s'appelle? Ah bah oui, c'est fait, hein. Non, mais on ne va pas chercher plus loin, ça risque de choquer Julie, évidemment. C'est... Ah d'accord, ok. Non, je préfère éviter d'aller jusque-là. Mais c'est trop liquide ce truc. Ah, d'habitude tu te tapes pas, hein. Non, ça c'est clair. Bah oui, c'est bon, on l'a compris, hein. Ça va aller. Allez, ils sont complètement chaudes, hein, ces deux-là, hein. Ah, ça bah, c'est insortable. Attends, dès qu'elles peuvent la placer, elles la placent. Ah, bah c'est ça. Bon, sinon c'était aussi la soirée des éliminations. Les fermiers devaient éliminer une de leurs prétendantes et comme toute rupture, le plus difficile évidemment c'est l'explication. Et Ben, qui ne veut jamais faire de mal, a eu beaucoup de mal justement à ne pas en faire. Je suis désolé, Laura, mais c'est un concours peut-être de circonstances ou peut-être le fait que voilà, j'ai peut-être moins d'affinité avec toi. Je sais pas exactement. Je peux pas vraiment t'expliquer. C'est une question de feeling. Tu sais bien que je fonctionne à ça, quoi. Mais voilà, en bon copain, je suis super ouvert à ce qu'on puisse garder contact. Ouais, voilà, des fois que ça marcherait pas. Un peu, hein. Tu sens qu'il rame là. Hein. Non, mais c'est surtout que des fois que ça marcherait pas avec les deux autres, il préfère se garder celle-là sous le coude. Ouais, quoi. C'est ça. On ne sait jamais. Bah, je t'élimine parce que je préfère les autres, mais si jamais ça n'allait pas, laisse-moi revenir en arrière quand même. Voilà, on va rester amis, on ne sait jamais. Hein. Bon, sinon, Michel n'a toujours rien compris au coup de la panne. Oh non, je vais pas encore faire le coup de la panne avec ma charrette à traire là, quand même. Mais qu'on pousse, Michel. Attends, derrière, je vais chercher la voiture. Ouais, bon, Michel, évidemment, c'est quand on est parti qu'on fait le coup de la panne, hein. Pas avant, parce que sinon, évidemment. Un petit ami, un petit souci. Louis s'en mêle et le problème se démêle. Ouais, même lui il a oublié son slogan, dis donc. Hein. Oh là là. Il avait oublié son propre slogan, cette espèce d'idiot. Oh là là, je vous jure. L'amour est dans le pré, c'est toujours du caviar quand même, il faut pouvoir le dire. C'est vrai. Vivement lundi prochain. Comme le dit Julie au début de l'émission, ce sont des gens simples. Mais oui, des gens simples, effectivement, ouais, et peut-être. Parfois, je me demande si ce ne sont pas juste des gens simples. Oui, oui, peut-être trop simples également, je ne sais pas. Enfin, bref, 9h27 sur Fun Radio, ben on va se quitter maintenant, on va dire au revoir à Julie. Et Lucas, il est où Lucas, là? Hein, le recordman de l'antenne, là, il faut Lucas quand même savoir encore. Qu'il a fait 9h30, 17h hier, parce que bon, Jasmine étant malade, et bah du coup forcément. Ah oui, d'accord. Okay. Et bah oui, bah du coup forcément. Alors tu vas continuer alors, jusqu'à 17h aujourd'hui? 23h, tu m'as dit. Allons jusqu'à minuit, hein. Pas tant qu'à faire. Hein, on va pas chipoter non plus. Écoute, reste ici, fais le morning aussi. Enfin, je dors ici, hein, j'ai ma chambre dans la cave. Ah voilà. Bah dis donc, j'ai vu la gueule de la cave. Elle est sympa. Ah ouais, non, je m'étonne pas que tu sois malade, hein. C'est hyper glamour en plus. C'est une cave, quoi, c'est normal. Bon, dans un instant, Lucas, avec le self jusqu'à 13h, vous faites la prog avec lui, avec les SMS au 3044 en débutant votre message par self, ou alors vous lui faites un petit mail lucas@funradio.be. normalement, si elle est de retour, je ne sais pas, elle était malade hier, on va voir aujourd'hui. Jasmine à partir de 13h pour Pure Dance Floor, évidemment la tribu avec Evan, avec Monsieur Milan et avec toute la team évidemment dès 17h, et le retour de la Libre Antenne le soir avec Vince et l'abbé, et bien évidemment la petite stagiaire que l'abbé a voulu serrer hier soir, parce qu'apparemment Adeline, la stagiaire de Vince, est à nouveau célibataire. Ah, voilà. Donc affaire à suivre. Je vous dis ça, je ne vous dis rien, mais il y a du douce. Ouais, mais elle s'est peut-être fait déglinguer cette nuit. Merci Toff. Oh bon, non, attends. Passez une bonne nuit. Je vais saluer Julie sur cette belle note. Ah ouais, non, mais là je commence bien ma journée là. Ça me fait plaisir. C'est ça. Allez, merci. Bonne journée à toutes. On se retrouve demain à partir de 6h du mat. Salut tout le monde. Je crois qu'il allait faire une photo, Lucas. C'est une photo. Je vais faire une photo de l'équipe. Il arrive avec son portable comme ça. Bon, allez, bonne journée tout le monde. Ciao. Il vous manque déjà? C'est pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.